Bonsoir à tous et à toutes. Pour ce soir, on se retrouve pour un petit jeu qui est clairement inspiré de Lovecraft et même de l'Appel de Cthulhu, mais un peu remanié version one-shot et pour effacer tout le côté qui est des fois un peu trop frontal dans Cthulhu. Et du coup, j'ai appelé ça le Cercle de Providence. C'est ma version de Cthulhu, parce que tant qu'à faire, autant le nommer. Quoi qu'il en soit... Vous êtes, pour mettre un peu de contexte au début de tout ça, enfin vous appartenez tous au même bureau de détective privé. Nous sommes, je rappelle, en 1996, et chacun, sur votre fiche de personnage, vous avez toujours un petit background qui explique un peu comment vous aviez fini très rapidement par en arriver là. Du coup, vous êtes quatre détectives, comme je l'ai dit, enfin quatre détectives, quatre personnes qui sont liées au bureau de détective et qui, du coup, tous ensemble... vous menez ces missions, ces enquêtes, quand on vient vous chercher. Nous sommes le 6 février 1996. Il fait actuellement moins 3 degrés. Vous vous situez dans le petit village de Green, dans le Rhode Island. Il est actuellement 4h du matin. Cela fait à peu près 4 jours que vous êtes sur une enquête. À la base, une enquête assez spéciale, ou plutôt surprenante. Le genre de choses qu'on voit dans les faits divers, un peu amusantes. Il y a 4 jours de ça, les habitants de Green ont eu la mauvaise surprise, ou la bonne, de recevoir de la part de leur chat tous les habitants, plus ou moins à la même heure selon les déclarations, de recevoir de leur chat un petit cadavre, hein, de ce qui était des insectes. Chose assez amusante, mais rien de très spécial. Le deuxième jour, la même chose se reproduisit, mais cette fois, les insectes étaient remplacés par des petits rongeurs. À partir de là, une étrange coïncidence, surtout que cela fait 2 jours de suite, hein, que c'est à la même heure, 8h du matin, que tous ces cadavres sont déposés. Le troisième jour, ce sont de plus gros rongeurs qui sont été laissés, et l'affaire commence à s'ébruiter. La police, bien entendu, pour l'instant, refuse d'enquêter dessus, ce n'est qu'une histoire de chat, et la seule parole a été de, tout simplement, enfermer vos chats la nuit, tout se passera pour le mieux. Mais il y a 3 jours, le troisième jour, donc la veille pour vous, nous sommes venus vous voir dans votre agence. On vous a demandé, tout simplement, de remplacer la police qui, pour l'instant, n'en avait que faire d'histoire de chats qui ramènent des cadavres de plus en plus gros, de jour en jour. Il faut dire que ça vous a prêté à sourire, ce n'est qu'après tout qu'une affaire de chats, encore une fois. Rien de là de bien compliqué, mais vous êtes payé pour ça, enquêter lorsqu'on vous le demande, et tant qu'à la fin vous êtes rémunéré, vous pouvez bien prendre un peu de temps sur cette affaire, d'autant plus que, en ce moment, ce n'est pas non plus la grande bousculade. Alors, vous avez accepté. Vous allez voir s'il se cache quelque chose derrière ces histoires de chats, peut-être quelqu'un, une mauvaise farce. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes le 6 février, il est 4h du matin et vous avez une piste. Cette piste, elle se trouve directement dans le village de Green. Le village qui est concerné hein, par toutes ces affaires. Il s'agit d'une vieille dame. Étrangement, cette dame, beaucoup de suggestions tournent autour d'elle, excusez-moi. Il y a... Elle représente, on peut dire, un peu ce cliché de la folle au chat. Très âgée, plus aucune compagnie. En soi, du coup, une cible parfaite pour quelque chose qui touche les chats d'un village. Vous avez donc entrepris d'aller lui rendre visite. Il est tôt, c'est vrai, mais il reste quelques heures justement avant 8 heures, l'heure où tous les chats déposent encore une fois tous ensemble ces cadavres, et vous dites que c'est sûrement vers cette heure-là que doit agir la personne. Donc avec un peu de chance, vous la surprendrez sur le fait, et cela résoudra bien facilement cette affaire. Vous êtes tous les quatre à bord de votre voiture. Et je vous laisse, si vous voulez, le temps d'arriver à sa porte, échanger 2-3 phrases, si vous le souhaitez. Juste avant que les gens commencent à parler, j'ai eu 2 micro-coupures. J'ai pas compris ce qui s'était passé entre le 4e et le 6e jour, et j'ai pas compris ce qui est arrivé à la vieille au chat, du coup. Pourquoi est-ce qu'on va la voir ? Ouais, Alors, on est le 4e jour. En gros, ça fait 4 jours que l'affaire a eu lieu. Ah, on est le 4e jour, je comprends le 6e. C'est autant pour moi. Ouais, non, le 6, c'est le jour. On est le 6 février. Oui, on est le 6 février. Je vois, ok, my bad, je vais confondre les deux. Ok, parfait. Il n'y a pas de souci. Et le dernier jour, enfin, le 3e jour, du coup, qui est le dernier jour avant... Enfin, où il y a eu ces événements, c'est aussi des rongeurs, mais de plus gros calibre. C'est-à-dire que la première fois, c'est des petites souris, et là, c'est plus des gros rats, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai marqué insectes, rongeurs, gros rongeurs. Et du coup, la vieille Ocha, qu'est-ce qu'elle a ? Alors, la vieille Ocha, c'est juste que, justement, elle a un peu mauvaise augure, mauvaise réputation, et, comme je le disais, comme elle a cette réputation avec les chats, etc., bah, finalement, beaucoup de suspicions commencent à se tourner vers elle, vu qu'elle traîne beaucoup avec les chats, qu'elle a tendance à en héberger chez elle, même quand ils sont déjà adoptés. Bref, de quoi suspecter un tout petit peu, c'est pas la plus grande des pistes, mais c'est déjà quelque chose qu'il faudrait veiller. Oui, c'est un premier truc. Puisque, si j'ai bien compris, c'est les villageois, les habitants qui sont venus nous voir et pas la police qui, elle, semble nier complètement. Tout à fait. Ok, parfait. Exactement. La récompense est alléchante ? Oui, la récompense est alléchante. C'est juste pour le roleplay, ça peut changer d'autres trucs. Oui, tout à fait. Merci, parfait. J'ai fini mes questions. Vous arrivez donc, vous vous garez. Sauf si vous voulez discuter pendant la voiture, là c'était des questions méta en soi, c'était pas... Histoire déjà que... Je pense qu'on pourrait faire un petit tour de ce que pense chacun de cette affaire, j'imagine que c'est un des trucs qu'on va aborder durant le trajet. Mmh. Qui conduit d'ailleurs la voiture ? C'est qui le chef de l'agence ? C'est Charles, non ? Ouais, c'est Charles qui la dirige. Bon, bah on va être dans sa bagnole. Ouais. Et toi, Charles, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, au final ? Wow, je pense surtout que... On perd un peu notre temps, mais tant qu'il y a quelque chose à la fin, ça va. Moi, je suis plutôt réjoui que les chats nettoient la ville de la vermine. En soi, rien d'inquiétant, on peut laisser faire. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de mal. Pas eu de dégâts en particulier. Autant de vermine à la fois, ça semble quand même étrange. C'est pas quelque chose qui se passe trop régulièrement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui ferait remonter les rats et c'est vrai que les insectes Les dératiseurs sont les premiers à être affolés, mais sinon, je pense que la plupart des gens remercieraient ces chats quand même de nettoyer la ville à leur place. Ouais, c'est somme toute assez troublant cette histoire parce que. D'habitude, les chats ne reproduisent pas des mécaniques similaires les uns avec les autres, surtout que ce sont des animaux assez solitaires. Hein. Ils n'ont pas de sociabilisation entre eux, ou très peu, par l'aspect de la reproduction. Je sais pas moi, les lions ils sont bien ensemble en général. Ça me paraît pas non plus. Mais je pense que oui, quelqu'un a dû les dresser ou les a éduqués pour qu'ils fassent ce genre d'action et qu'ils rapportent à une heure précise. Un peu comme un genre de flûte. Comme la légende allemande, vous parlez ? Celle-là même. Je doute que ce soit aussi simple. Certainement un dressage dès l'enfance des chats est certainement très rigoureux. Oui, mais tous les chats de la région, quand même. Enfin, c'est tous les villages ou de la région ? C'est le village. C'est le village, ouais. Allons voir notre piste, hein, de toute façon. On verra bien, oui. On verra bien. Là, quelque chose qui pourrait être important à savoir, c'est est-ce que les gens voient vraiment les chats ramener les cadavres ou est-ce que c'est juste un raccourci qu'ils ont fait ? Parce que c'est juste un petit malin qui s'amuse à déposer ça tous les matins à 8h du mat. Les petits jeunes du quartier pour effrayer la population locale. De mais votre bon, enquête... On va aller parler à la vieille. Je me permets de répondre à cette question-là parce que ça fait... vous avez déjà commencé l'enquête depuis la veille, donc vous avez au moins pris la température. Et effectivement, pas tous, mais il y a des témoignages de gens qui disent avoir vu effectivement le chat poser le cadavre. Il faudrait s'en assurer parce que lorsqu'on dit avoir vu une soucoupe volante, vous pouvez être sûr que vous avez des dizaines de témoignages dans les parages qui vous affirment la même chose. Quand bien même vous l'avez sorti de votre tête sur le moment. Bon, on a bien des lampes torches, des trucs comme ça. Vous avez de quoi faire, vous avez un peu d'équipement, vous êtes préparé de toute façon à venir aussitôt. Mais effectivement, il n'y a pas âme qui vive pour l'instant. Pour décrire en plus un peu Green, c'est vraiment un village... un village routier, c'est le genre de village qui est coupé par la route et qui a très très peu de développement autour. C'est vraiment un très petit village, il n'y a pas énormément d'habitants. Et c'est clairement c'est un peu le cliché de village de campagne un peu perdu. Oui, c'est pas près de la côte. Effectivement, c'est en dessous de... J'ai oublié le nom de cette ville. Providence. Non, Providence, c'est un peu plus à l'est. Okay. Et au nord, effectivement. Bon, on est au centre de l'État, quoi. Mais écoute, ouais. Moi, j'ai envie de dire, s'il y a des traces, peut-être, on peut faire le tour de la maison. Il y a, tu sais, c'est le style américain, c'est-à-dire qu'il y a une barrière pour rentrer dans le jardin, un truc comme ça. On peut voir par-dessus, pour voir ce qu'il y a dans le jardin. Mm-hmm. Dans tous les cas, est-ce qu'on va vraiment réveiller une vieille dame à 4h du matin ? Bah, on va lui poser des questions, on va voir si elle est réveillée. Hein. On va pas... Elle nous invitera à prendre le café. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il me faudrait bien. le nom de la ville à côté, c'est Coventry, c'est de là où vous travaillez à la base. C'était pour moi. Et effectivement, par contre, la remarque de Mason signale quelque chose, c'est que vous voyez à travers la fenêtre où les volets sont pas fermés, qu'il y a de la lumière. Elle s'appelle comment, en fait, c'est Michel ? Michel Walton. Walton. Walton. Walton. Walton. Comme Walt Disney, mais avec Ton. D'accord, merci. Walton. Du coup, le jardin, j'ai pas entendu si tu avais dit, si on voyait quelque chose. Oui. Excuse-moi, tu regardes du coup un peu par-dessus le jardin. J'ai un coup d'œil, ouais. Et ce que tu vois, c'est surtout que le jardin était bien équipé. Il y a pas mal en fait d'arbres à chat, de petites cabanes, ici et là. Vraiment, le cliché de ce que tu pouvais t'attendre d'une telle personnalité. Des lampes des chats, quoi. Exactement. Ok. Eh ben, je pense que déjà on est sûr d'être à la bonne maison. Maintenant, on va y voir si elle est réveillée. Par contre, tu remarques que même s'il y a un Disneyland des chats, pour l'instant tu ne vois aucun chat. Ça va être à l'intérieur. En tout cas, la lumière est allumée, donc on peut se permettre d'aller toquer. Ouais. Madame Michel ? Non, Walton ? Madame Walton ! Tu vois, je fais pas avec beaucoup d'intonation aussi. Tu vois, je suis. Oh, Madame Walton, on vous dérange pas. Si vous... C'est juste pour poser Madame des Walton. Questions. Madame Walton, bordel. Juste pour poser des questions. Oh, nous sommes pas des gens pour vous opportuner. Si vous avec la musique, on dit qu'on est au moment du climax. Mon personnage est un peu réservé. Vous toquez plusieurs fois, avec réserve du côté de James, avec un peu plus d'énervement si Charles s'en occupe. Ah oui. J'essaie d'écouter hein, la porte, si on entend peut-être qu'elle descend, elle est peut-être âgée. Je propose qu'on mette le feu à la maison, ça la forcera à sortir. C'est une bonne idée. Toute l'herbe à chat va brûler. Parfait, problème réglé. On a brûlé la sorcière. On a brûlé la drogue. Oh non, mon scénario, bon. Bon allez, fini les conneries, on enfonce la porte, on fait quoi? On revient plus tard. Juste une question, ça, tu l'as vraiment dit ou pas, Mason? Ah oui, la blague de brûler la maison. Ouais. Tu vois Lynn qui lève les yeux au ciel, genre. Ah ben moi je le prends premier degré après. Oui, non, c'était pas non plus pour. Enfin bon. C'est trop tard. Bon. En tout cas, il n'y a aucun bruit qui se fait entendre à l'intérieur de la maison. Peut-être qu'elle est pas là, hein. J'espère qu'elle nous a pas fait une attaque. La lumière allumée si tard dans la nuit. Bon, restez là, je vais faire le tour derrière, voir s'il y a une autre porte. On bouge pas. Okay. Tu fais le tour, hein, Charles. Tu arrives à l'intérieur du jardin. Et effectivement, comme bien souvent, il y a une porte secondaire. Et si tu essayes de l'ouvrir, tu remarques qu'elle n'est pas verrouillée. En l'ouvrant, je vais quand même continuer à toquer sur la porte, mais en l'ouvrant, pour signaler ma présence à l'intérieur. Je vais gueuler. Il y a quelqu'un là-dedans ? Crie pas trop fort, tu vas réveiller tout le quartier. Ouais, non, mais à l'intérieur de la maison. Je... Mais tu l'as suivi ? Tu l'as suivi ou... Parce que si... ouais. Moi, je suis toujours pas. Crie pas si fort, bah, t'es à l'autre bout de la maison. Ne crie pas si fort, tu vas réveiller tout le quartier. Moi, je reste souvent avec du coup le chef. Hein. Donc t'es parti avec le chef. Mais j'ai rien pour vous. En fait, je vous aime bien. Vraiment. Vous êtes ensemble, d'accord. Je connais pas vos prénoms, mais je vous aime bien quand même. Mais je reste avec Charles. Ouais, bah moi du coup je suis devant, mais je regarde dans les fenêtres comme ça. Si je vois pas quelque chose. Okay. Moi je vais chercher les lampes torches dans le coffre. Ok. Du coup, Charles et James qui sont à l'intérieur, en rentrant, vous remarquez qu'effectivement l'arrière de la maison était bel et bien éclairé. Mais pour l'instant, il n'y a aucun bruit. Ouais. Ça sent une odeur particulière. Genre... la mort. Ou l'herbe à chat, peut-être les deux, tu vois, mais... Alors, déjà, c'est une maison qui sort assez fort en odeur animalière. Ok. De manière assez logique. Je prends un mouchoir, je le mets sur le menu. Je suis très délicat. Bah, si je vois personne, je vais aller me diriger vers la porte de devant depuis l'intérieur et voir si je peux leur ouvrir depuis l'intérieur. Bien, tu te diriges vers la porte et tu remarques avec bénédiction que les clés sont sur la porte. Eh ben, elle est partie sans ses clés. Je vais ouvrir la porte et je vais prendre une fausse voix de grand-mère et je vais faire « Oh, bonjour les jeunes !» Ah, vous voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, Charles? Je comprends pas. Bon, allez, mec. Je jure. Vous êtes bonne blague, dans la vous l'avez trouvé? Il n'y a personne, a priori. Au rez-de-chaussée. Voir l'étage? Il n'y a personne. Effectivement, l'étage est aussi allumé. Question, la maison où elle habite, c'est uniquement joignable par voiture ou c'est suffisamment proximité de tout pour qu'elle puisse ne pas avoir de voiture? C'est joignable par voiture. Comme dit Green, c'est vraiment perdu. C'est genre de petit village où il y a facilement 500 mètres entre deux maisons. Et mis à part un petit cœur, un petit centre qui existe et qui est encore un peu accentué. Enfin, faut quand même se déplacer. Il y a vraiment pas grand-chose. Oui, mon cher James. Moi, comme je suis aussi un peu excentrique, je vais regarder les photos, les cadres et tout ça. S'il y a des photos d'elle ou s'il y a que des photos de ses chats ou un truc comme ça. Et tu sais, s'il y a un truc qui est un peu pas droit, je le remets droit sur les cadres comme ça. Ok. Ça, et du coup, seconde question. Tu mets une voiture garée près de chez elle? Bien, tu sors pour aller vérifier rapidement et il y a effectivement sa voiture qui est garée vraiment juste devant le passage quand tu fais le tour pour aller au jardin. Ok, voilà, ouais, t'es en train de dormir à l'étage, j'ai juste oublié d'étendre en bas. Je rentre. Quelqu'un veut monter? Ouais, je vais y aller. Je vous suis. Okay. C'est pas obligé, hein. Non, on sait jamais. Elle pourrait vous prendre pour un cambrioleur et sortir le fusil de chasse. Ouais. Bon bah allons-y. Lynn et Mason, vous montez. Charles et James, vous restez en bas. Ah oui. Oui, oui, moi je monte pas. Hein. Ok. Eh bien... Lynn, Mason, vous montez les marches. Vous arrivez à l'étage. Face à vous, un petit couloir dans lequel semble vous êtes présenté tous les... Absolument toutes les pièces facilement accessibles. La pièce à votre droite est allumée, la porte entrouverte. Le reste est éteint. Et les portes fermées. J'ai Madame Walton. Madame Walton. Nous sommes rentrés. On voulait vous poser des questions. On en est désolé. Hein, on veut pas vous importuner, mais nous sommes là pour un petit souci de voisinage, si je puis dire. Madame Walton, vous êtes là? Tu n'as aucune réponse. Je m'approche de la pièce qui est allumée. Tu t'approches. Tu ouvres la porte. Et face à toi, tu as l'évidence même qui était à la base des blagues s'avère plutôt vrai. Tu la vois assise sur une chaise. La pièce est un bureau. Tu le remarques au fait qu'il n'y a pas de lit, qu'il y a un bureau et qu'elle est assise sur une chaise. Et ce qui te marque au premier coup d'œil, c'est le sang. L'énorme quantité de sang qui a coulé dans cette pièce. Tu la vois le corps entier rempli de sang et le moindre coup d'œil te fait sauter aux yeux que elle n'a pas de yeux dans ses orbites. Oh mon dieu! Oh mon dieu. À ce moment-là, je la prends un peu dans mes bras. Limite, même je lui cache un peu la vue en me tournant avec elle à ce moment-là. Les gars, montez! On arrive. Oh mon dieu! Oh, quelle horreur. Vous allez bien? Vous arrivez à tenir debout? J'ai besoin de m'asseoir. Essayez-vous, je l'aide à s'asseoir. J'ai une blague horrible. Je pousse la vieille. Je prends la fauteuil. Je me mets au niveau des escaliers. Hein. Je retourne au niveau des escaliers. Je m'assois sur une marche, en fait, sur la première marche avant de descendre, en fait. Et je me tiens la tête. Et moi, j'insiste. Je répète à nouveau aux autres de monter vite. Les autres. Soit à votre niveau. Ok. Oh. On a un souci, patron. Pas n'importe quoi, disons. Pas dans ces cas-là. C'est plus notre sort, là. Faut appeler la police, non ? J'imagine qu'il faudra au moins qu'ils soient au courant, mais... On va peut-être passer une heure ou deux, histoire de récupérer tous les éléments qui pourraient nous intéresser. Ça peut toujours nous être utile. On n'est pas, c'est pas la folie au niveau des comptes de notre petite agence, donc. On les préviendra plus tard. De toute façon, on n'a pas de téléphone portable. Mais. Enfin, merde, je voulais dire ça de manière au moins, du coup, briser le quatrième mur, mais. De toute façon, on n'a pas de téléphone à disposition, j'imagine, donc il faudra rentrer à l'agence. Elle a le téléphone dans la maison. Pardon ? Elle a le téléphone dans la maison quand même. Oh, est-ce que la vieille qui vit reclue au fond du village, elle avait un téléphone ou pas ? Bah, j'espère quand même. Bonne question. Oh, bon, on est en 1996, messieurs. Moi, ma tante, qui a 98 ans, elle a son téléphone depuis 4 ans chez elle. Ah ouais ? Ouais. Donc, il y en a. Ok, de toute manière, c'est pas ce qu'on a à chercher en priorité. Lynn ? Tu as moyen de vérifier si c'est les yeux qui l'ont tué sans la toucher, parce que voilà. Et tu as moyen de savoir comment elle est morte Ouais, écoute, si tu me laisses reprendre un peu, me refaire un petit peu, je vais essayer de jeter un œil, mais je t'avoue que même si je fais de la biologie, je suis pas forcément médecin légiste. Ouais, évidemment, t'inquiète. Mais je peux jeter un œil, oui. On a pas quelqu'un d'un peu mieux ici ? Attends. Non, je dis pas ça, je regardais juste les capacités des gens. Genre, hein. Quoi ? Quoi ? Une teinte trop gigatoxique. Ah oui, ouais, ça sert à rien, la pétasse, les gens. Ouais, bon. Bon, moi, en tout cas, après avoir dit ça, je vais descendre et je vais re-aller dans le jardin et je vais voir si je peux pas mettre mes talents de pistage à bon escient et voir s'il n'y a pas, par exemple, des traces dans le sol ou quoi que ce soit dans le jardin ou autour. Ok. Eh bien, je vais te laisser faire le premier jet de cette session. En descendant, je vais te demander du coup un jet de raison. J'ai un 14. Ok. Tu ressors dehors et cherches quelques traces. Rapidement, tu sais par où toi tu es passé quand tu as fait le tour, par où est passé James, et donc quelles sont les traces sur lesquelles tu dois t'intéresser et les autres. Tu as un très bon réflexe, c'est au mieux de t'intéresser à la terre, de t'intéresser plutôt au mur, puisqu'il y a effectivement une trace au niveau de la fenêtre qui donne accès au... enfin, la fenêtre du bureau. Le mur juste en dessous a tout petit peu de terre qui semble s'être coincé sur le mur. Ok. Oui. Est-ce que je peux investiguer la pièce où se trouvait le corps de la vieille dame, tout en me bouchant le nez et me couvrant aussi les yeux? Non, ça va être un peu dur de rester. Mais je vais utiliser mon talent, moi aussi, comme il a utilisé le sien de pistage. J'ai un talent d'investigation et je vais ouvrir l'œil sur peut-être un détail, peut-être des traces de chat dans le sang, par hasard. Tout à fait. Je vois aucun chat, en tout cas, on n'a pas vu de chat depuis. Même pas un miaulement, même pas un corps. Très bonne réaction. Pas un seul chat. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, depuis votre arrivée. Je vais aller fouiller autour de la maison avec la lampe torche, moi, de mon côté, pendant ce temps-là. Très bien. Tu vas descendre et rejoindre à l'extérieur Charles pour aller fouiller l'extérieur. Si Charles se concentre sur le mur, toi, tu iras plus loin. James, je te laisse aussi me faire un jet. Un jet de toc. Non, je rigole, il n'y en a pas. Un jet de raison. J'ai le plus bon. 70. Sachant que tu as le bonus en jeu. Ok. Et que tu es bon. Tu fouilles ici et là dans le bureau. Et une chose en fait te saute aux yeux en faisant gaffe un peu, surtout au niveau du sol, c'est qu'elles semblent avoir été tuées ailleurs, puis traînées ici. Tu le vois au traces de sang sur le sol. Je peux remonter la piste? Tout à fait. Je vais aller vers le couloir. Et tu vas chercher dans le couloir quelques traces de sang. Il n'y a rien qui saute aux yeux, à vrai dire, ce qui explique que lors de votre première montée au couloir, ou du moins pour les deux qui y étaient, que le sang ne l'aurait pas directement sauté aux yeux, mais toi, sachant ce que tu cherches, tu vas pouvoir trouver quelques gouttes de sang qui mènent jusqu'à la chambre qui se trouve au fond du couloir à gauche. Bah, je dis aux autres, elle a l'air de cette... Il semblerait que quelqu'un l'a transportée jusqu'à la chambre et les traces de sang mèneraient vers cette porte-là. Y a personne okay, avec moi. James. Bah si si, je suis là. Mais y a Lynn. Ok. Bah écoute, essaye d'aller voir. Moi bon, ça va un peu mieux. Je vais essayer de voir ce qui aurait peut-être causé la mort de cette femme. Et je tiens à dire que j'ai un peu peur parce que je vois un chat qui observe. La personne qui nous fait la partie ce soir, et j'ai un peu peur pour elle. Et je vais voir Michel Walton. Okay. Évidemment. Je vais te laisser du coup, Lynn, me faire pareil, puisque pour l'instant on est dessus un jet de raison. Pendant ce temps-là, allons voir Maison. Maison, tu sors à l'extérieur et tu décides du coup de faire un peu le tour. Tu t'écartes à quel point à peu près? Est-ce que tu fais vraiment un tour de pâté? Est-ce que, enfin, même si le pâté est très éloigné, mais on se comprend. Déjà, je salue Charles quand je le croise, je lui demande s'il a trouvé quoi que ce soit d'intéressant. Moi, je vais juste lui montrer du regard, enfin, d'un signe de tête vers les traces de terre qu'il y a sur le bord de la fenêtre, là. Donc c'est bien la fenêtre qui donnait à la chambre où elle se trouve ou pas du tout? Au bureau, pardon. J'imagine que c'est... Ouais, c'est là où on l'a trouvé. Ok, en effet. Ok. Je vais aller faire un petit tour dans le coin avec les lampes torches, voir si on trouve pas des traces de pas, ou même les fameux chats, qui sait. Vu qu'ils sont déjà deux dans le bureau, c'est pas une pièce bien grande, je me suis dit que ça éviterait... Il valait mieux pas qu'on se marche les uns sur les autres, sinon on allait finir par déplacer des trucs et la police allait nous tomber dessus. Ouais, puis... c'est mieux. Puis du coup, ouais, voilà, je vais faire le tour, je vais chercher des empreintes, voir s'il y a des endroits où il y a de la boue, je vais chercher les chats. En bas, dans la forêt noire, je vais lâcher des petits minou-minou. Et puis, ouais, aussi des empreintes de pas humaines, peut-être. Et du coup, bah, notamment, je vais commencer par le coin, on va dire, face au mur de terre, enfin, au mur où il y a de la terre. Parce que ça paraît une bonne piste, quand même. Tout à fait. Tu vas t'intéresser surtout à la terre, et comme ça tombe plutôt bien, parce que c'est une zone très, très terreuse, hein, finalement. Et tu vas essayer de chercher quelques chats, après tout. Avec le fait que la plupart des habitants en possèdent, et qu'il y a cette dame un peu folle au chat, tu suspectes quand même le fait de pouvoir en trouver assez facilement. Mine de rien, tu en trouveras absolument aucun. Malgré tous tes petits appels, tu n'auras aucune réaction d'un quelconque chat. Quant à des traces, c'est un peu compliqué. Tu en trouves pas en tant que tel. Il y a des traces de passage, mais que tu dates clairement de tout simplement de la veille ou de ce genre de choses, mais qui n'ont pas l'air, en tout cas, très très fraîches et qui du coup ne semblent pas plus t'intéresser que ça. Ok. Revenons. Déjà à Charles, que fais-tu ? Charles. C'est pas moi. Hein. Mmh. Eh ben moi, ouais, ben, j'étais en train de réfléchir en fait, parce que je suis devant mon truc de terre, mais... Bah je vais me rapprocher, voir s'il y a peut-être plus de une, je dirais, disons qu'à partir de ce truc de terre, s'il n'y a pas une autre piste qui va un peu plus loin ou quelque chose, voir si c'est quelqu'un qui est rentré ou quelqu'un qui est sorti par exemple. Ok, tu me refais un petit jet de raison pendant ce temps là. Est-ce que Lynn m'avait donné son résultat? Pas du tout, j'attendais. Et bah, donne-moi ton résultat, s'il te plaît. 25. 25. Ok. Qu'est-ce que tu regardes un peu sur le corps ? Là, je regarde ce qui pourrait être apparenté à des blessures, donc notamment les yeux manquants, voir si c'est le fait qu'elle ait perdu les yeux qui aurait pu engendrer la mort, voir d'où provient le sang en particulier, si c'est des yeux, ou s'il y a d'autres purs, ou si on l'a poignardé ou que sais-je. Ok. Tu remarques qu'elle n'a pas de blessure externe. Donc pas de poignardage, pas de coup de feu. Quoi qu'il en soit, enfin rien de ce genre-là. Malgré tout, sur plusieurs endroits de sa peau, tu remarques des petites plaques, des petites zones assez étranges. Comme si sa peau avait, sur ces endroits, été brûlée, avec une peau, du coup, légèrement calcinée. C'est vraiment la seule élément externe que tu peux noter sur elle. Et t'arrives pas à déterminer, du coup, réellement la cause de la mort. Et du coup, au niveau des yeux... C'est comment, c'est, on voit, ça a été arraché, c'est juste des yeux manquants, des orbites vides, c'est cautérisé, c'est comment? Alors, au niveau de ses yeux. C'est effectivement vide, hein. Les orbites sont totalement vides, hein. Il ne reste que du sang qui est en train de commencer à sécher, mais qui est encore abondant. Et il n'y a, okay, donc ça a été... il n'y a rien d'autre. Oui, c'est comme si voilà, ça a été vraiment retiré. D'accord. Et donc, en gros, le sang qu'elle a sur elle, est-ce que du coup, ça correspond avec le sang qui se serait écoulé des yeux et qui est arrivé comme tout ça? Tout à fait, oui. Ok. Donc, c'est potentiellement une espèce d'hémorragie oculaire qui aurait pu faire en sorte qu'elle se vide de son sang. À force, quoi. Potentiellement, oui. Ok. D'accord. Eh bien, moi j'ai toujours James, la porte. Effectivement, ouais. Qu'as-tu fait toi devant cette petite porte ? Je prends mon petit mouchoir et tu vois, je le mets pour pas mettre d'empreinte, hein, parce que je vois que les autres vont essayer de faire ça proprement. Donc je prends mon petit mouchoir et j'ouvre avec celui-ci la poignée. Ok. Tu ouvres la porte et tu tombes sur la chambre, tout simplement, de la grand-mère, du moins tu supposes que c'est la sienne. La lumière est éteinte. Tu l'allumes, naturellement. Et elle est étrangement bien rangée. Pourtant, tu es presque sûr que, vu les gouttes de sang, le trajet part de cette chambre pour aller au bureau. Elle est bien rangée, il n'y a rien de vraiment particulier. En tout cas, au premier coup d'œil. Je te laisse, si tu veux, me faire un petit test, si tu veux, le même en raison, si tu veux approfondir un peu ta recherche. Et si je veux pas, j'augmente en expérience ou... Il n'y a pas d'expérience. C'est sûr que je veux lancer des dés, moi. Ah, 24. Oh, j'ai réussi. 24, c'est bien. Ok, je vais te mettre à fouiller. En fouillant, je vais fouiller, hein. Il y a plusieurs choses qui vont te sauter aux yeux. Deux éléments, exactement. La première, c'est que même si le lit était extrêmement bien fait, en retirant la couette du lit, tu peux remarquer des traces étranges, comme si le drap et le milieu du matelas avaient été brûlés. C'est vraiment une zone très contenue, c'est vraiment au centre du matelas. Et c'est noirci, et c'est limite en cendres, déjà, alors que tout le reste du lit est intact. D'où viendrait cette partie-là ? De cendres ? C'est une bonne question. C'est vraiment, pour le coup, c'est le matelas, hein, qui a cramé. Est-ce que je vois qu'elle fumait, par exemple, un cendrier ou un truc comme ça ? Non, absolument pas. Moi, j'arrive dans la pièce tranquillement et dire bon, bah, j'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à ce qui se passe. Bon, a priori, elle peut être morte du fait qu'on lui a arraché les yeux, pardon, mais ce qui me préoccupe, c'est en fait sur le niveau de son corps, elle a des petites brûlures, comme des petits morceaux de peau en fait qui sont cramés. C'est assez troublant. Je sais pas ce que t'as trouvé toi, mais pas des cendres. Et j'étais en train de regarder un peu les alentours en même temps, de fouiner, d'ouvrir les tiroirs. Et il y avait un tiroir, bah, j'imagine, avec son linge. Des cendres, tu dis ? Oui, près du matelas. Regarde. Et puis je montre. Ouais, c'est peut-être vient de là, alors peut-être ces brûlures-là. Pas vu de cendrier ni paquet de cigarettes dans la maison. Écoute, je sais pas si c'est la personne qui lui a fait ça, mais il y a des gens vraiment dérangés dans ce bled. Oh, pas totalement vrai, hein. Regarde, on vient tous d'ici à peu près, non? Ouais, enfin, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller arracher les yeux d'une bonne femme, je veux dire. Déjà, je sais. Est-ce qu'on a vu si elle avait des photos, par exemple, d'un mari ou d'un fils ou d'une fille ? Surtout toi qui as regardé les photos, elle avait des cadres familiales tout à fait classiques, avec un mari qui était plus âgé qu'elle, donc tu supposes que vu son âge, il est parti avant elle. Ouais, et de la famille, donc des enfants, tout ça. Et des petits-enfants. Certainement que quelqu'un lui en voulait, parce que je vois pas autrement. C'est déjà, j'ai du mal à comprendre pourquoi s'en prendre à une pauvre dame. Elle a l'air d'avoir rien chez elle, rien n'a l'air d'être volé. Et surtout pour lui arracher les yeux, quoi. Enfin... je m'excuserai, mais... C'est une méthode de mafieux, j'ai déjà vu ça dans... Ouais, enfin, a priori, s'il voulait la tuer, il pouvait juste la tuer, et pourquoi lui arracher les yeux ? C'est... À part être un psychopathe... J'avoue. Mais non, là, je commence un peu à transpirer quand tu me dis ça, tu vois, je me dis, attends, il y a vraiment peut-être un tueur, et on est arrivé peut-être à un moment où il essaie de déplacer, et il est peut-être encore là, tu vois, je suis en train de paniquer. James, dans ta panique, tu regardes un peu autour de toi, normal, et tu repenses à un petit détail dont tu n'avais pas fait gaffe en fouillant. C'était Petit Toc, hein, qui peut reprendre le dessus, et... ce qui te semblait là-bas juste un petit détail semble prendre une petite importance. Au niveau de la coiffeuse, donc le meuble hein, qui sert à se coiffer et se maquiller, tu as remarqué sur son bord gauche qu'il y avait comment on appelle ça, tout simplement un cadre, un morceau en fait où il n'y avait pas de poussière, comme si un objet avait été retiré et que pourtant la poussière n'avait pas été faite depuis quelques temps. Bah, je vais aller voir. C'est quoi comme objet ? C'est rectangulaire. C'est tout ce que tu peux dire. C'est vraiment une trace de manque, t'sais, parce que le reste est poussiéreux et que en dessous des objets, il y a toujours moins de poussière. C'est quelque chose de rectangulaire. Ah, effectivement, là, tu vois dans que... ce genre de... d'objet. Tu vois, je clique des doigts et je dis « Ah, quelque chose qui manque ici, là. » Où ça ? Là, regarde. Hein ? Regarde, là, je mets mon doigt, mon gros doigt, là, et je prends la poussière, là, tu vois. Ouais, oui, non, si, c'est vrai, maintenant, je vois, ok. Mais... Là, il n'y a pas de poussière. Quelqu'un a enlevé un objet dernièrement. Ouais, quelqu'un c'est vrai, ça. Ça semble rectangulaire. Peut-être une boîte à bijoux, ça, non ? On va dire, une coiffeuse, une femme, des bijoux, quoi. Des bijoux ? Bah, peut-être. Ça a la taille d'une... ça pourrait avoir la taille d'une boîte à bijoux. Ça pourrait. D'ailleurs, tu le remarques facilement à la taille de la boîte à bijoux qui est posée juste à côté. Donc ça pourrait être une autre boîte à bijoux. Une oui. Deuxième boîte à bijoux. D'ailleurs, j'ouvre la boîte à bijoux. Tu ouvres la boîte et c'est une boîte bien fournie, boucle d'oreille. Alors la boîte à bijoux est juste à côté et il a pris cet objet. C'est encore plus suspect. Je regarde les petits objets à l'intérieur, les bijoux, je fais comme ça. Ouais. Je vais jeter peut-être si elle a un album photo ou un truc comme ça, peut-être. Je vais voir si je peux trouver ça là. Je me sens sur la piste de remonter dans les photographies, peut-être revoir cet objet sur cette commode. Pendant ce temps-là, Maison okay. et Charles, j'aimerais savoir justement où viennent vos pèlerinations dans le quartier. Alors, bon, Maison, j'ai les résultats, du coup, je vois ce que tu reviens. Charles, je te vois lever la main, je t'écoute. Parce que j'ai fait 67. Juste, hein. Ok. Je me souviens plus de tes stats. Attends. Oui, ok. Je suis... Bon. Charles, tu continues donc ton enquête, tu cherches du coup d'autres traces. Et si ton instinct ne t'avait pas menti la première fois, c'est souvent qu'il y a bonne raison, c'est qu'effectivement, au niveau trace, il n'y a rien de particulier, en fait, qui ressort au niveau de la Terre même. Ce qui est même un peu étrange, parce que c'est de la Terre qui est retrouvée, donc ça voudrait dire que quelque part, de la Terre s'est collée sous sa semelle, mais ici, en tout cas, dans les alentours assez proches, il n'y a aucune trace particulière. Alors, il y a ci et là des petites traces de pattes, de pas, mais que tu dates, encore une fois, d'un peu plus ancien que il y a quelques heures. Je vais aller rejoindre les autres, mais en passant par cette fenêtre-là, pour vérifier si c'est facile ou pas de... Ok. De passer... Fais un jet d'action, s'il te plaît. Moi, je vais rejoindre les autres, mais par le côté normal. Ok. C'est 11. Ok, non, je mets en bas de lui, si jamais il se casse la figure, je le rattrape. Charles, tu vas te lancer, sachant que tu n'es plus tout jeune, hein, Charles, hein, tu es policier retraité, pour rappel. Donc, l'effort physique, alors, malgré tout, tu as quand même une bonne forme, hein, tu as bien effectué l'exercice de tes fonctions jusqu'à tes derniers jours de service, mais bon, ça te demande quand même un certain effort et tu te lances. Tu arrives rapidement à dépasser la fenêtre du rez-de-chaussée, mais malheureusement, à quelques centimètres de la porte de l'étage, ta main, tout simplement, n'arrive pas à atteindre le bord et tu reglisses vers le sol, te frottant un peu sur le mur. Tu remarques, par contre, que ta main, elle arrivait pile au niveau de la terre. Du coup, bon, pour l'instant, plus gêné qu'autre chose par ma tentative qui a été observée. Je vais juste me retourner vers mon collègue, je vais dire... Bon, a priori, le suspect est plus jeune que moi. Ça fait une bonne information. Je me demandais si ça pouvait pas être un type un peu... comment dire, un peu trop croyant, qui aurait entendu les histoires autour de l'heure de la vieille et qui se serait débarrassé d'elle... Un sataniste, peut-être ? Je sais pas. Ça fait un peu rapide, quand même. L'histoire a pas commencé il y a si longtemps que ça. Ouais, mais... Tu penses que c'est une coïncidence ? Qu'il y a un fou qui se balade... pipoil le jour où on va enquêter sur elle ? Pour l'instant, pour moi, c'en est une. Bon, des chats qui ramènent des rats, ok. On voit ça tous les jours. Ouais, mais il y a plus de chats, ici. Bah, il semblerait qu'il y a eu un meurtre, peut-être qu'ils ont eu peur. Peut-être bien, ouais. Bon, allons voir les autres. Très bien. Vous montez, cette fois en prenant l'accès normal, et vous rejoignez Lynn et James qui étaient... dans la chambre, non plus dans le bureau, au moment où James était en train d'expliquer qu'il fallait qu'il trouve un album familial puisque un objet venait de manquer. C'est le moment où vous arrivez. Ah, voilà. C'était alors, fructueux, vous avez trouvé des chats ? Pas du tout. Un peu de terre sur les murs, c'est tout. Sur les murs ? Ou vos trucs que vous avez cherchés. Et moi, je vais regarder le sol, voir s'il n'y a pas justement de la... Tu fouilles dans la maison. Cherche un indice qui pourrait être lié soit à la présence des chats, des poils de chat, des trucs comme ça. Soit au meurtre, peut-être... Il y a des poils, il y a des litières, il y a des gamelles qui étaient remplies. Honnêtement, oui, elle vivait avec des chats. Ce n'est pas qu'une légende urbaine. Tu sais, même du coup d'ailleurs que la pièce qui se situe à gauche, qui est juste en face du bureau, du coup, est un peu la salle aux chats, puisque dedans, en fait, c'est là qu'il y a un peu tout ce qui est installé à l'intérieur pour eux. Donc, il y a un arbre à chat, il y a plusieurs gamelles, plusieurs litières aussi, et c'est une plutôt grande pièce qui a l'air d'être distribuée rien qu'à eux, et au nombre de gamelles, tu comprends qu'elle en avait vraiment un bon nombre. Sur le fait qu'elles vivent seules aussi, tu peux être rapidement rassuré, puisque ça a l'air d'être effectivement le cas. Alors, il y a quelques vêtements d'hommes qui semblent plus appartenir à son défunt mari, puisque vieux, plié et rangé dans tout ce qui est, je sais pas, dans une malle, ce genre de choses, plutôt que prêt à être porté. Et je reviens à toi très rapidement. Puisque Charles, qu'est-ce que tu cherchais déjà? Ah oui, tu cherchais les morceaux de terre. Charles, eh bien, tu as le malheur d'apprendre que il n'y a aucun morceau de terre dans cette maison. Hmm. Pense à, hein, je considère que James est en train de chercher et fouiller des photos familiales, des albums familiaux. Des albums photos familiaux. Frénétique. Je regarde un agenda, calendrier, tu vois, n'importe quoi qui pourrait être. Et comme je suis bibliothécaire, en général, tu vois, c'est le genre d'informations que j'arrive à retenir facilement et que j'arrive à trouver facilement, enfin, que j'arrive à lire vite. Ouais. Lynn, pendant ce temps-là, tu fais quoi? Ouais. Disons que ils sont tous un peu en train de regarder un peu partout. Moi, je suis vraiment plus concentré sur la victime en elle-même. J'essaie de voir, par exemple, si, à tout hasard, elle n'aurait pas fait essayer de lutter, ou si elle n'avait pas des traces de lutte au niveau des ongles. C'est comme si elle avait essayé de s'agripper, ou des ongles cassés, peut-être de la chair, tu sais, si je viens griffer quelqu'un pour me défendre. Des traces de lutte, quoi. On va voir si... Okay. Tu remarques que... Absolument pas. Il n'y a rien de particulier sur son corps, en plus de ce que je t'avais déjà décrit, donc il n'y a pas de traces de lutte, pas de... Même pas de traces de strangulation, enfin, il n'y a rien d'externe, encore une fois. Donc, c'est... Ah, c'est surprenant. Quelqu'un qui... à qui on a arraché les yeux... qui n'ait pas de traces de lutte, qui n'ait pas de traces de blessure autre que les yeux arrachés et seulement ces petites brûlures disséminées un peu partout. Je suis assez perplexe par rapport à tout ça. Mason, pendant ce même temps, tu as trouvé quelque chose d'assez intéressant. Puisque, comme tu me l'as dit, tu vas te essayer de voir s'il existe des lettres, des échanges, quoi que ce soit. Et tu as rapidement trouvé l'endroit où elle rangeait un peu tout ce qui est paperasse, donc y compris courrier, ce genre de choses. Quelques coups d'œil, hein, tu mets de côté tout ce qui semble être plus administratif, ce genre de choses, pour te concentrer vraiment sur des échanges. Et c'est au milieu d'un carnet dans lequel carnet qui semble réunir ses notes que tu aperçois effectivement une lettre. Sur cette lettre, on indique les informations suivantes. Tu remarques que c'est une lettre qui n'est pas signée. Et en la lisant particulièrement, tu remarques des menaces envers la dame. Ce qu'elle dit, c'est que elle lui aurait volé ce qui lui appartenait. Et qu'il n'a qu'à faire de ces satanés chats, il récupérera coûte que coûte. Est-ce qu'il y a une enveloppe qui va avec? Il n'y a pas l'enveloppe. C'est la lettre était glissée au milieu du. Du coup, je mets une carte. Pas de date non plus. Malheureusement, non. Le papier a l'air d'être vieilli ou pas? Non, il a l'air plutôt récent. Ouais, il est pas jauni ni rien. Je me doutais que ça avait pas été envoyé il y a deux ans. Bah, je vais la garder de côté, je vais la rentrer aux autres dès que j'aurai fini. Ok. James, tu trouves enfin ton bonheur. Je précise. Moi, en même temps que... Oui, vas-y, excuse-moi. J'allais dire, on est d'accord, en 96, il y avait déjà les relevés d'empreintes. Oui, en soi, ça existe déjà. Ouais, mais même, bon, sous son ciel, c'est pas très grave. On a déjà fouillé toute la maison. Oui. J'ai trouvé nos empreintes partout. Après, pour l'instant, vous êtes à Green, un petit village un peu paumé qui sert surtout de transition entre deux états. Voilà. Vous savez que vous n'êtes pas non plus au milieu d'une grosse ville où la police scientifique est vraiment sur le tas, quoi. Ouais. Mais effectivement, il faut prendre quand même des précautions, quoi. Genre, juste ne mettez pas votre main dans le sang pour après la faire glisser sur un mur. Ça risquerait d'être un peu trop gros, mais si vous faites un peu attention, ça va. Pour revenir du coup à James, tu trouves aussi l'information que tu cherchais. Enfin, après quelques albums, plusieurs vraiment morceaux distribués. Morceaux distribués, bien sûr. Excusez-moi, je me fais agresser en même temps. Dans tous les cas, après du coup plusieurs albums fouillés, tu trouves une photo où enfin tu vois entièrement la coiffeuse et ce qu'il y a dessus. Malheureusement, ça ne t'aide pas, puisque tout ce que tu peux savoir, c'est que vu la taille et la forme de l'objet, il semblerait que ce soit effectivement une statuette. Par contre, elle est recouverte d'un bout de tissu noir. Ok, bah je prends l'info. bah, tu vois, je regarde un peu en détail, mais bon, je vais aller prévenir que à Lynn que c'était bien une statuette. Quelqu'un a pris la statuette, enfin certainement une statuette, mais je ne sais pas de quoi. Tête de chat. Une statuette. Oui, oui, une statuette. Et je lui donne les dimensions en détail. En tout cas, de mon côté, j'avoue que du côté de la victime, je suis de plus en plus troublé parce que il n'y a aucune trace de lutte, aucune blessure autre que les yeux. Ce serait comme si cette femme aurait accepté qu'on lui fasse ça, sans même broncher. Après de là, est-ce que peut-être on l'ait peut-être endormi, mais il faudrait une autopsie, je pense. Ce serait trop compliqué pour moi de savoir si elle a été endormie avec une substance. Mais là, en l'occurrence, aucune lutte. Le corps est intact, excepté ces petites traces de brûlure sur son corps. Toujours, oui. Quelqu'un a voulu quand même la faire souffrir. Hein. On a l'impression que c'est un peu ça. Hein. Tu m'as dit que c'est à peu près quelle taille les brûlures, enfin. Des petites taches par rapport à la peau. Je te montre, ça fait à peu près ça, donc quelques centimètres, toujours. D'accord. Ouais, c'est quand même assez volumineux, enfin, s'il y en a un peu partout. C'est pas des cigarettes, quoi. Non. Quelle heure, je sais pas s'il y a une horloge ou quoi dans le coin. Alors effectivement, tu regardes et vous remarquez, ça fait quand même un petit moment où vous êtes en train de chercher ici et là plein d'informations. Et il est actuellement 5h30 du matin. Et la température continue de se refroidir, il fait moins 4 degrés. Patron, j'aurais un truc à vous proposer. Ouais. Regardez ce que j'ai trouvé dans la pièce là-bas. Je lui tends la lettre de menace. Ça pourrait être bien qu'on puisse la scanner pour pouvoir éventuellement... je sais pas si ça existait, je suis quand même à l'époque, les scanners. Ça, on n'est pas au 5e siècle quand même. Je veux dire, c'est démocratisé d'en avoir, parce que Mirland, l'enfant... Ouais, si, quand même. On va le faxer. C'est peut-être pas aussi perfectionné que ce qu'on a aujourd'hui, mais... Il y avait le fax à l'époque, je crois. Oui, il y avait le Minitel, le fax... Il y avait Internet, C'est fou de dire ça. Le scanner était pas aussi pointu... Et reposer la lettre ici avant l'arrivée de la police. parce que c'est quand même une pièce à conviction, ils vont en avoir besoin, si on la prend on pourrait avoir des problèmes. Et dans tous les cas, je pense que là on sort un petit peu de ce pourquoi on était venu, donc on n'a pas vraiment de récompense à la clé, plus que peut-être vendre l'histoire à des journaux ou autres. Je suis pas sûr qu'il y ait de famille qui serait pas prêt à nous payer pour s'occuper de ça. Et ce serait justement intéressant de pouvoir comparer l'écriture sur la lettre avec l'écriture des gens du village à un moment donné, je pense. Ouais. Et de revenir aussi pour le coup des 8 heures, voir si les chats reviennent. Accessoirement, c'est un bonus, mais on est venu pour ça à la base. Oui. Est-ce que, à tout hasard, l'un d'entre nous aurait, enquêteur oblige, un appareil photo? Oui. Ok, bah je dis, bah attendez, je vais prendre une photo. Ce sera encore plus rapide. Fait. Prenez des photos. N'hésite pas à prendre d'autres photos de la scène en vrai. Oui, bah je prends la photo de la femme déjà. Hein. Je peux t'éclairer avec les lampes torches si tu veux. Après, je prends la photo de la pièce manquante, enfin de la trace sur le qui manque, la photo du coup de ta lettre. Après, il y avait quoi d'autre? Des traces de sang un peu traînées au niveau de la chambre. Oui, Ton il y micro. avait les marques de brûlure. Il y a des marques Ouais, de est-ce que brûlure, oui, sur le corps. j'avais un document là, là où il y avait la photo de la statue. Voilà, la photo de la photo. Je pense qu'on peut garder la photo en vrai, ça va pas la déranger. Oui, non, mais après c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Oui. Mais fais attention à ton argentique, que ce soit pas trop consommé. Parce qu'il faut Oh, développer. t'inquiète, c'est pour le boulot, de toute façon, on sait tous que c'est Charles qui paye. Ouais. Mais moi, je trouve ça un peu morbide de faire des photos du corps. Bizarrement, ça Ah, me met mal à l'aise c'est de la savoir. science, hein, mon ami. Est-ce que je devrais pas, du coup, je demande à Charles, est-ce que je devrais pas maintenant appeler la police? On va faire ça maintenant. Je descends, il y a certainement un téléphone. S'il n'y en a pas, je vais aller voir dans le quartier s'il n'y en a pas un. Sinon, bah, je suis marron. Eh bien, au grand dam de toute logique, il n'y a pas de téléphone dans la maison. Ah. Et au quartier, il faudra se déplacer un peu, mais honnêtement, dès que vous partez, vous prenez la voiture, vous savez où trouver un téléphone. Ok. Est-ce que toutes les pièces ont été fouillées ou il y en aurait une qui serait passée un peu à l'as? Tout a été fouillé par Mason pendant que d'autres s'occupaient d'autres choses. Donc, il est temps pour vous de déguerpir d'ici. Vous avez pris ce qu'il fallait, vous avez remis en place ce que vous voulez remettre en place. Le temps de terminer tout ça, il est déjà 6 h du matin, il reste 2 h avant L'heure tout fatidique. simplement, effectivement, l'heure fatidique. Vous allez simplement aller vous poser pour ces 2 heures-là. Vous allez devoir passer par la case police. La question qui se pose, c'est est-ce que vous appelez en vous déclarant qui vous êtes ou est-ce que vous faites un appel anonyme pour déclarer? Sachant que si jamais vous vous déclarez, il y aura tout un temps d'administratif à gérer, de garde à vue, de discussion, tout ça. Comment vous faites d'habitude, patron? Honnêtement, on a touché un peu partout. Si l'affaire va plus loin que juste ici, on risque d'avoir des problèmes. Donc honnêtement, il faut déclarer, faut dire ça de manière officielle après. Je dois sûrement connaître au moins un gars du coin ou un peu flou. Je dois connaître un gars qui connaît un gars. Je pense qu'on peut repousser au plus tard possible le fait de discuter avec eux pour pas être trop occupé. Ouais, t'as raison, chat. Je Bien, ok. compris, je pars en mode petit surnom affectif. Oui, moi aussi. mais c'était mignon. Vous, du coup, appelez, vous déclarez, et effectivement, vous passez par des contacts de Charles pour ne pas gérer l'administratif tout de suite, du moins le temps que vous terminez un peu de votre côté votre enquête, mais vous savez du coup qu'il y aurait de l'administratif après tout ça. Quoi qu'il en soit, le temps de gérer tout ça, 8 heures s'annonce. Vous remarquez que ce matin, il fait extrêmement froid. En vous renseignant rapidement, il fait actuellement moins 10 degrés. Vous savez qu'habituellement, la température dans cette région, parce que c'est quand même une région quand même assez froide et humide, elle varie, en tout cas au niveau négatif, généralement, elle stagne vers moins 6. Donc vous êtes face à une matinée particulièrement froide, même pour la région, ce qui fait moins 10. À 8 heures, vous êtes en train tout simplement prendre un petit café, vous réchauffer. Ouais, un bon café. Tout en discutant de l'enquête, savoir ce que vous allez faire par la suite. Vous êtes interrompu alors que vous êtes en train de discuter simplement de ce que vous allez faire de votre journée. Par le fait que les autres gens du café semblent être attirés. 8 heures vient de sonner et un chat est assis devant la porte du café. Vous entendez un peu des râlements du tenancier du café. Faut dire que mettre un cadavre devant la porte, c'est pas très bon pour les clients, surtout du matin. Donc, il ouvre la porte et demande au chat de pester. Enfin, de partir. Excusez-moi, j'ai des verbes qui s'inversent avec d'autres mots depuis le début de la soirée. Il demande au chat de partir. Vous voyez le chat qui ne bouge absolument pas. Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce que vous restez là? Moi, je vais voir. Moi, je reste un peu loin. C'est assez inhabituel de voir un chat qui puisse tenir tête comme ça. Ouais. Et tu approches, enfin vous approchez, du moins pour ceux qui veulent l'approcher. Et vous voyez, le chat commence à avoir des hauts de cœur, des trucs habituels de chat, quoi. je ne ferai pas une imitation vocale, mais le chat... Une boule de poil, quoi. Oui, c'est ce bruit-là, là, le bruit de remontée, et finit par quelques longues, très longues secondes à faire ce bruit, à avoir ses spasmes, par vomir, et recracher au milieu de son vomi un œil. Oh mon dieu! Vous voyez que le tenancier s'écarte immédiatement, comprenant pas ce qui se passe, et dit aux gens de reculer. Il panique, il sait pas vraiment comment gérer la situation. Charles! Il demande juste de pas regarder. Charles! Ouais. Charles. Il y a aucune blessure sur la vieille? Comment ils auraient pu faire ça? Enfin, ils ont des griffes, ils ont des pattes, ils ont pas de mains. L'œil, il est abîmé ou c'est vraiment l'œil, il est parfaitement parfait? Il est entier, il a l'air très bien. En tout cas, c'est un chat qu'on droguait la madame. Il ressemble à quoi, le chat? Le chat est un chat roux et blanc, voilà. C'est pas un chat. J'allais dire ça en plus. Voilà. Un chat roux et blanc. C'était vraiment un chat domestique, pas un chat genre. Ouais. Chat domestique, effectivement. Il a un collier, un truc comme ça Il n'a pas de collier. Ça n'a pas de sens. Genre, il ne devrait pas se retrouver dans cet état-là. Au pire, il y aurait au moins des marques de crocs ou de griffes dessus. Et encore plus sur la vieille. Comment vous expliquer qu'un chat arrive à faire sortir l'œil d'un être humain sans avoir à griffer ou à mordre quoi que ce soit? Calme-toi. Il nous a peut-être suivi. Il a senti l'odeur de sa maîtresse et peut-être il nous a suivi. Il avait l'œil de sa maîtresse pour une raison. Mais pour une raison de quoi? Peut-être qu'il les a achetés le meurtrier. Il les a pas conservés. C'est ça qui m'étrange aussi. C'est, Il n'y a pas besoin d'aller chercher des histoires incroyables de toute manière. Bon, là, on s'est éloigné quand même de tous les gens, de toute la masse. Hein. On s'est mis dans notre coin. Parce que... Oui, oui, évidemment. Ouais. On fait nos théories. Alors, il y a eu un meurtre. Non, mais... Donc, ouais, mais je dis, bah, écoute, c'était pas compliqué. C'est juste, le gars qui a fait ça a laissé les yeux pas loin et un chat l'a bouffé parce que les chats, c'est des connards. C'est tout. Ouais. Ouais, peut-être. On a mis combien de temps pour arriver d'ici depuis la maison ? Assez peu de temps en vrai. Hein. C'est un village, donc en vrai, en voiture, même pas 2 minutes. Quoi. Oh, oui, oui, oui, d'accord. Ça reste quand même un village, quoi. C'est-à-dire que ouais, voilà, vous avez un peu roulé à les 3-4 minutes, peut-être maximum, mais c'était quand même... vous êtes toujours dans le village de Green. Faut qu'on... Il nous a pas suivi jusqu'à des kilomètres, hein. Il était vraiment dans le village. On est resté. Tu sais, il apparaît, on est chez nous, genre à Providence. C'est vrai que là, je me poserai des questions. Et là. Ça met quand même un peu en frayeur tout ça. Enfin, me dire que quelqu'un a juste énuclé, juste et les acheter. Pourquoi se donner tant d'efforts si c'est pour qu'un chat le retrouve ou qu'il l'apporte ? Voilà, bah, je pose la question à mes camarades, hein. Surtout à toi, Maline, en fait. On a un peu discuté là-dessus. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, moi, c'est dans la continuité de ce que je dis. Ça me perturbe pas mal, cette histoire. Bah, tu veux prendre une pause, t'arrêter là peut te Non, non, une pause, non. Après, j'aimerais bien peut-être prendre le temps d'aller parler au médecin du coin. Voir s'il n'y a pas... Oh, j'imagine qu'il doit bien avoir un médecin pour tous ces gens, quand même, malgré tout. Ils sont pas obligés de faire des kilomètres pour un petit médecin. Il y a le secret médical, il va rien te dire. Hein. Non, mais j'ai pas besoin de nom. Je veux juste voir s'il n'y aurait pas eu, par exemple, des cas avec des gens qui auraient eu chopé des petites blessures comme elle avait sur le corps, ou des petites brûlures. Je sais pas... On pourrait se renseigner avec les voisins, parce que ça doit être eux qui la connaissent le plus dans toute la ville. Pas lesquels, les voisins ? Parce que j'en ai pas vu beaucoup, des voisins. Sinon, j'ai réussi à choper des photos où il y avait ces petits-enfants, donc on peut aussi leur poser des questions sur... Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Son attitude avec les chats. S'ils sont toujours là. L'entité qui nous a demandé d'aller voir la vieille. C'est qui est venu au bureau dire... C'est nous qui avons décidé d'aller la voir, on nous a soumis l'idée. Ouais. C'est en discutant dans le village. La personne qui vous a demandé en fait de lancer votre enquête privée, c'est l'adjoint maire. Et tout simplement. C'est qui ? Attends, 2 secondes. Faut que j'aille. Mais c'est l'adjoint au maire, et je te sors le nom dans 2 secondes. C'est l'adjoint au maire, en mode c'est elle qui nous a demandé d'enquêter. On est chez... Non, l'adjoint au maire, pardon, excuse-moi. Comment ça s'appelle ? Et oui, en fait, c'est en enquêtant, en discutant, que vous savez que c'était un peu les rumeurs de village, quoi. C'est-à-dire que tout le monde chuchotait sans trop. L'avouer entre eux, mais en discutant un peu tout le monde, vous avez compris qu'il y avait pas mal de suspicions. Ouais, ça c'est du commérage, quoi. Il y avait beaucoup de suspicions envers elle. Et pour Ago, campagne. Ah, celle-ci n'est pas nette. Les ragots n'avaient pas deviné ce qu'elle allait lui arriver. C'est Springfield. C'est la sorcière Rochard. C'est la sorcière Rochard. Du coup, là on a qu'un seul œil déjà. Ensuite, on sait que le type, enfin la personne qui est rentrée par effraction et qui certainement a dû passer de la même façon que nous, a volé une statue. Et là où je me pose la question, c'est pourquoi il est parti par la fenêtre, parce que tu avais des empreintes par la fenêtre, alors qu'il pouvait tranquillement repartir par la porte d'entrée et il n'aurait croisé personne. Ou alors nous sommes arrivés pile à temps et il est parti pour l'instant, mais ça m'étonnerait. Ça me paraît un peu étrange comme coïncidence. Auquel cas, il a pris la première chose en précipitation. Je ne sais pas. Et comment il aurait pu mettre de la terre sur le mur et pas à l'intérieur. Il n'est pas passé par la porte d'entrée, il a dû faire comme nous, passer par l'extérieur et il y a de la boue, quoi. Oh, mais il n'y a pas de terre à l'intérieur de la maison. Charles a regardé. Ouais, c'est vrai que c'est toujours pas clair de savoir si la trace a été faite en rentrant ou en sortant. Il aurait pas enlevé ses chaussures quand même. un homme très poli. Marcher dans la maison. Après, quelque chose de bizarre qui sera intéressant peut-être à préciser, c'est que j'ai essayé de grimper moi-même par la fenêtre pour vérifier. Et bon, je suis pas le plus en forme de l'équipe, hein. Mais ça fait quand même. Hein. Ouais, mais on va dire que je me débrouille quand même et en grimpant, la trace équivaut à l'endroit où on mettrait normalement la main pour continuer à grimper. Ouais. Donc c'est pas forcément des pieds. Et ça a quelle taille? La marque? C'est tout grand, pas... petit? C'est pas énorme comme marque. N'est-ce pas? Mémoire. Oui. Voilà, merci mémoire. Ce serait la taille d'une patte de chat? Ou plus grand? Plus grand. Plus grand. Ok. Ouais, c'est... Bon. Il serait peut-être temps d'aller faire ce qu'on a dit que chacun allait faire, et moi, dans mon cas, je pense que je vais surtout patrouiller dans le village avec la voiture et voir si je vois pas quelqu'un en train de faire des grands signes parce qu'il a trouvé un œil. Ok. D'accord. Vous essayez de vous séparer. Je pense que je vais te suivre parce que personnellement, j'avais personne à interroger en particulier. Ouais. Deux dans la voiture et deux à pied. Tu viens avec moi, James? Oui, faire des archives. Hein. Bibliothèque. Je voulais aller à la bibliothèque. Ouais, au pire, je peux venir avec toi et puis on restera ensemble pour faire nos affaires. Ah oui, mais faut pas parler dans la bibliothèque. Bon, bah vas-y, je vais voir le médecin. Va parler à tes archives. Bah, je peux pas parler avec, ce sont des livres. Mais par contre, je vais. Vas-y. Ils vont me parler. Je vais juste les écouter. Et voir. Va les écouter. Ah. Le rat de bibliothèque. Pour faire plutôt rapide, malgré tout. Lynn, tu auras le malheur d'apprendre que effectivement, il n'y a pas de médecin dans le coin. Il semblerait que c'est un problème qui existe réellement, mais les campagnes sont souvent assez mal desservies en médecins. Et oui, ils ont besoin de faire quelques kilomètres, sachant que, encore une fois, il y a la ville juste à côté, donc, enfin, juste à côté, quelques kilomètres, mais voilà, ils ont une ville pas très loin, donc ils sont à charge de ces médecins-là. Du côté de James, tu vas aller à la bibliothèque et tu vas aller fouiller un peu dans les archives. Tu vas passer quelques heures. Charles et Mason, vous allez un peu faire le tour de la ville. Et vous allez pouvoir découvrir ci et là ce qu'ont déposé les chats à leur propriétaire. Alors, vous ne serez pas surpris de trouver, certes, le deuxième œil assez rapidement. Vous serez cependant surpris des autres dépôts, des doigts, des orteils, principalement. Bon, on est d'accord, elle avait tous ses doigts et tous ses orteils, la vieille, quand on était allé la voir. Ouais. Et merde. L'affaire commence à prendre des tournures très particulières. Je pense que cette fois-ci, on est bel et bien convaincu qu'il y avait bel et bien un lien entre les deux. Ouais. La bande de fous qui doivent s'amuser à déposer des rongeurs ont décidé d'aller au-delà. Ils ont tué des vraies personnes. Donc, notre cher Michel, mais pas que. J'imagine que d'autres personnes dans le village et dans les environs ont disparu cette nuit et ont été retrouvées sur les seuils des portes. Je propose qu'on récupère la majorité de tout ça, qu'on note devant chaque maison où c'était, mais évitons peut-être un traumatisme à l'intégralité du village, notamment pour les gens qui retrouveront des gens qu'ils connaissaient devant leur porte. Et on donnera tout à la police de toute façon, on peut plus... Ouais, on récupère tout. Et on va compter, histoire de voir si on dépasse les 10 doigts. On récupère tout, on compte tout, et on répertorie tout. Je vais prendre des notes, j'ai toujours des petits calepins sur moi, devant quelle porte, quelle partie de tel corps. Ok, tu prends absolument tout en note. Vous serez, vous retrouverez assez rapidement Lynn, déçue de ne pas pouvoir trouver la personne dont elle aimerait converser. Qui pourra donc vous aider à la comptabilité de tout ce qui a été déposé dans des billes de chat. On va voir un médecin tout à l'heure si tu veux. On est à la voiture. Ce sera plus rapide. Ouais. Vous continuez d'avancer. Pendant ce temps-là, toi, James, tu continues de fouiller les livres et tu vas me faire l'équivalent d'un test de bibliothèque. Et on va mettre ça dans la raison. Allez, continuons avec la raison. J'ai fait 33. Ok, c'est très bien. Tu vas rapidement, et après quand même quelques temps de recherche et de lecture qui ne te mènent pas à ce qui t'intéresse, mais tu vas quand même malgré tout assez rapidement trouver un livre qui rapporterait plus ou moins les affaires classées qui n'ont pas été résolues dans la province. Tu vas t'intéresser particulièrement à tout ce qui pourrait y ressembler de proche ou de loin, et surtout aux alentours du coup de Green, et des autres villages aux alentours. Tu y découvres qu'effectivement, il y a... J'ai un gros bug sur la date, pardon, faut que j'aille vérifier. lui et moi dans les commentaires. 7e siècle, 7e siècle. Non, plus proche. Mais j'ai mal écrit la date, attends. Alors, 1900, attendez, excusez-moi. Exactement. C'est très mal écrit dans le bouquin à l'heure actuelle. T'es obligé de tourner les pages pour essayer de trouver. Parce que, quoi. Un chiffonnier. Ah oui, totalement. Franchement, insupportable. Incroyable. Sur ce document ultra important, la date est mal écrite. C'est incroyable. Ok. Il y a eu un cas pareil en 1975, dans la ville de Providence. Les points communs sont que des cadavres ont été délaissés, cette fois-ci pas par des chats mais par des chiens. Ça avait fait quelques affaires, quelques titres de journaux, mais ça n'avait pas pu s'inquiéter que ça. Tu découvres que l'affaire a été arrêtée après un incendie de tout un quartier, tout simplement, dans Providence. Incendie qui était d'origine accidentelle dans une ancienne... ancienne usine et qui aurait mis feu au reste du quartier le temps de réagir. Ok. Pas eu de suspect, pas de... Non, rien. Aucun suspect, pas... passé sur suite. pas de, de suspect pour le, autant pour l'affaire des farces avec les petits cadavres d'animaux, ni pour le meurtre, ni pour l'incendie qui a été considéré comme étant accidentel. Si seulement j'avais un moyen de contacter mes camarades. Écoute, je vais voir ce que je peux renseigner. J'écris les informations sur papier. Et puis, je vais essayer de les retrouver à l'agence ou je sais pas si on s'est donné rendez-vous au café. Mais je pense que j'y vais prestement. Dès que j'ai ces informations. Parce que ça va bien. Au café, tout simplement. Okay. C'est un peu le centre. C'est là que votre agence se trouve pas dans Green directement. Ça t'évite de marcher. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous avez, de votre côté, tous noté, clairement, où est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé, où ça, et ramassé, bien entendu. Lorsque vous revenez au centre-ville, vous y trouvez James, qui vient juste d'arriver. James ? Difficile. Hein. C'est ça, c'est difficile. Tu as vraiment le, en fait, l'extrémité des membres, vraiment les mains, les pieds qui sont vraiment, qui commencent à être douloureux et qui ont besoin d'être chauffés assez simplement sous peu. Ouais. Bref, vous vous retrouvez et je vous laisse discuter. Je pense que James rentre dans la voiture, comme ça il est chauffé, ou que vous allez tous au café, mais que vous restez pas dehors. Bah, du coup, quand on a trouvé les morceaux de doigts, d'orteils et tout, moi j'ai pris le temps quand même d'essayer de voir si ça appartient à la même personne, ou que ce soit homme ou femme, en fonction des doigts, au niveau des morphologies. Si t'as des doigts qui se ressemblent ou c'est pas le même morphotype, extrêmement voir s'il y a plusieurs victimes. Bonne question. Et à l'heure actuelle, tu comptes qu'il y a au moins 3 personnes différentes. Ah, quand même. 3 personnes différentes. Ah. Et 4 en comptant les yeux, parce que vous avez. Oui. La vieille n'avait ni les. Elle n'avait aucun membre coupé, mis à part les yeux. Donc 4 en comptant la dame, et sinon 3 différentes juste sur les doigts et les orteils. Aucun signe qui ferait qu'on pourrait les reconnaître comme des bagues de fiançailles, des choses comme ça. Alors non, c'était toujours les doigts nus. Ou ils te ramènent que ça, tu peux pas voir. Oui, c'est ça aussi, ouais, c'est pour ça quoi. Mais écoutez, on sait maintenant qu'on a potentiellement un minimum 4 victimes en comptant Madame Walton. C'est plutôt sérieux quand on pense que la population de cette ville doit pas être bien élevée. Ça fait beaucoup de victimes pour une seule ville, une seule petite ville comme celle-là. On ne devrait pas tarder à trouver l'origine de ces cadavres. Je pense, oui. Et de ton côté, James, qu'est-ce que tu as trouvé ? Ah, je suis content que tu en parles, parce que j'ai trouvé des bonnes informations dans un livre. Alors, c'est assez compliqué, hein, parce que déjà, c'est une petite ville, hein, ils n'ont pas beaucoup de livres. En plus, la bibliothécaire, elle n'était pas très joyeuse que je sois là. Et surtout, j'avais mon café à côté, et elle m'a dit pas de café. Bon, j'ai envie d'un truc. Donc, j'ai trouvé dans ce livre qu'en 1975, dans la ville de Providence, il y aurait eu des mêmes attaques, mais faites par des chiens. Donc, la police n'a pas eu de suspect, il n'y a pas eu. L'affaire est classée sans suite, à cause de ce qui semblerait être un incendie accidentel d'une usine. Voilà. Mais il y avait le même principe, avec des victimes, des chiens qui avaient des restes, et surtout des calcinations, apparemment. Ça fait beaucoup de calcinations, là, quand même. Hein. C'est vrai que Oui, c'est une méthode bizarre. Je ne sais pas où ça veut en venir tout ça, mais y avait quand même pas mal de personnes, mais aucune trace de coupable. On a l'impression que chaque jour, j'ai bien compris, les présents de ces chats sont de plus en plus morbides. Je n'ose imaginer ce que ce sera demain. Et le froid, incroyable ici. Je n'ai jamais eu aussi froid. Ah si, mais c'était quand je suis allé dans le Canada. Il fait pas très chaud. Il fait froid comme ça habituellement dans cette... Pour moi, c'est vrai, c'est étrange quand même. Ouais. C'est l'intérieur des terres, hein, mais bon, ça a vite descendu. Hein. Moi, je n'avais pas prévu d'apporter ma petite laine comme ça, mais bon. Moi, j'avoue que... Comme dit, les températures moyennes varient entre moins 6 et au-delà quand c'est positif. Oui, là, c'est un grand froid. Ça reste OK. Pour l'instant, oui. C'est pas surnaturel, c'est juste un peu plus froid que d'habitude. Ouais, mais moins 15, ça fait quand même du mal. Je pense qu'on va pas... Non, ça fait du mal, mais genre, si à cette même période de l'année, il peut aller jusqu'à moins 6, on reste encore dans quelque chose de concevable, même si c'est vrai qu'il fait plus froid qu'à l'habitude. Écoute, moi, dans tous les cas, là, je suis bien dans ma voiture. Ah non, mais t'inquiète pas, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Alors, regarde, Charles... Il a même mis sa petite laine et son bonnet. Toujours équipé. Par contre, la clope, tu la lâches jamais. Comment fait cette histoire de... C'est que c'est pas bon pour toi. Ouais, j'ai plus grand chose à... j'ai plus grand chose à perdre. Hein. Ouais. La vie. Accessoirement, bien dit, James. Ah, mais j'ai cru que c'était une question. Mais non, en effet, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Ton histoire de chien. Il n'y avait pas de nom dans ce que tu avais trouvé. Non. Malheureusement, l'affaire est classée sans suite. Et surtout, combien de victimes ? Et les victimes ? Oui, il y a eu des nombreuses victimes. On sait pas le nombre exact. Non, mais les incendies, je pense que ça a dû faire des victimes. Ok. Bah écoute, bon, sans aller sur la piste d'un éleveur tueur en série qui a d'abord élevé des chiens, puis ensuite des chats pour qu'on redécouvre les corps. On va peut-être se concentrer sur la statuette qui a disparu et je pense que c'est ce qui est le plus actuel. Je ne sais pas. La statuette va nous amener au tueur. Malheureusement, mais c'est le seul objet de la maison qui a disparu. Donc peut-être devrons-nous enquêter pour savoir un peu plus. Si je posais des questions alors aux petits enfants de Madame Walton sur cette statuette, ils pourraient nous répondre peut-être. J'ai vu ou peut-être. Pardon. Il y a combien d'habitants dans le village? Je sais pas, c'est vraiment un petit village. Je veux pas donner d'ordre de grandeur parce que je sais pas, mais vraiment un petit village basique. Je sais pas, c'est à combien. Ouais. J'avoue que je connais mal les échelles de grandeur. Et j'ai pas envie de dire des bêtises. 40 choses à proposer, mais c'est assez ambitieux. C'est d'aller voir la plupart des. On va dire. Des hommes et des femmes mûres du village et de leur demander de nous écrire quelque chose sur un morceau de papier. Il faut qu'on trouve un prétexte quelconque et on essaie de comparer avec l'écriture de la lettre. Ça va être un peu long, mais avec un peu de chance, on trouvera notre cible parmi les premiers. Moi, de mon côté, je pense que je vais essayer quand même de voir si je trouve pas les identités des gens qui ont été qui ont perdu les doigts et les orteils. Ça pourrait peut-être aussi nous guider sur des pistes. Je pense que ça peut être intéressant. Pardon ? Sont certainement morts. Ils seront morts, mais au moins on aura des noms. Vu que tu as trouvé tout à l'heure que... Enfin, vous avez trouvé tout à l'heure qu'il y avait des menaces sur une lettre, peut-être que ces mêmes personnes ont été menacées. Ok. Ouais. S'il y a des disparus, en tout cas, la police va le savoir. Très bien aussi de la revoir. Oui. Donc, vous passez encore quelques temps sur ces enquêtes-là. Concrètement, vous apprenez que pour l'instant, il n'y a aucun cas de disparition à déclarer, outre le décès de la dame. Il n'y a pas de nom en plus de ça, pour l'instant. Toutes les familles ont l'air d'être chez elles, ce genre de choses. D'autant plus qu'on est début février, donc... c'est pas vraiment une période où les gens ont tendance à bouger, donc on est plutôt chez soi. Bref. Pour l'instant, vous n'arrivez donc pas à mettre un nom sur les potentiellement... Enfin, des noms sur les membres qui ont été dispersés. Il y avait quoi d'autre aussi comme enquête pendant ce temps-là ? Il y avait Maison qui voulait faire en sorte que les gens écrivent sur du papier, voire voilà. Moi j'ai demandé, je vais faire le coup de téléphone. Mm-hmm. Et Charles, tu avais parlé de la statuette, tu faisais quelque chose ? Non, mais je pense que je vais accompagner Maison, vu que de toute manière il va voir des gens. Donc si je vois la statuette en même temps. Voilà. On a expliqué pas tout dans les détails, hein, évidemment. Vous n'allez pas dire que c'est pour les accuser de peut-être le meurtre d'une personne. Hein. Réussir à voir au téléphone la famille. C'était quoi la question que tu voulais leur poser déjà ? Ouais, y a plusieurs questions. Déjà, si leur mère c'est bien Michel Walton, si ils connaissent des potentiels. Ennemis à leur mère, et si ils peuvent m'en dire plus sur une statuette que leur mère avait, qu'elle cachait sous un drap noir, si je savais à quoi ressemblait cette statuette. Au fur et à mesure de tes appels, tu finiras par tomber effectivement sur les bonnes personnes, la bonne famille. C'est bien entendu pas les premiers noms qui sont tombés, ça serait beaucoup trop simple. Mais en tout cas, à force de décès, tu arrives par tomber dessus. Ce sont bel et bien ces enfants. Je leur donne mes condoléances. Hein. tout à fait. En termes d'ennemis, ils n'en voient pas, en tout cas potentiellement pour leur mère. Ils l'ont toujours connue très tranquille, etc. Je suppose que voilà, tu leur donnes. Un peu d'indication sans trop rentrer en détail, ou je sais pas si tu leur annonces clairement tout ce qui s'est passé. Non, je leur donne mes condoléances, mais j'ai des questions à leur poser. Quoi. Ouais, ok. Tu gardes le reste pour. Ce sera la police qui fera les détails. Et quant à la question de la statuette, effectivement, ça parle à son fils, hein, puisque c'est quelque chose qu'elle a depuis peut-être quelques mois, voire peut-être maximum un an. Et une statuette qu'elle a ramenée d'un voyage qui lui a été offert là-bas. Ça a été pendant très longtemps un objet de décoration, mais elle s'en fatiguait, et puis il y avait pas mal de convoitises autour de cette statuette dans le village, des rumeurs. Bref, toujours la même chose que dans tous les villages. Et du coup, elle avait fini par un peu s'enlacer et elle avait fini par le ranger là, juste derrière un drap noir. De quel voyage venait cette statuette ? C'était un voyage dans l'Europe de l'Est, vers, alors pas la Russie, mais vers la Russie, c'est ce qu'il te dit. Oui, la Russie. Est-ce qu'il peut me faire une description de la statuette ? Tu dis que non, lui, ça fait, ça, il l'a quasiment pas vu. Il connaît l'histoire parce que voilà, il se renseigne avec avec sa mère, mais lui ne l'a pas vu de ses propres yeux. Juste selon sa description, c'était une statuette qui est vraiment attirait le regard. Elle avait une forme d'un petit animal qui lui était inconnu, mais qui avait dans ses traits quelque chose d'assez hypnotique. Hypnotique. Ah, bon. Ah. Et du coup, pas d'ennemis par des personnes qui convoitaient cette statuette. Exactement. Après, la convoitise venait en fait surtout d'une personne. C'est un collectionneur. Enfin, c'est un collectionneur qui s'appelle Richard Liriano et qui avait fait des pieds et des mains à l'époque pour essayer de lui racheter. Et il avait mal pris le fait qu'elle lui refuse toute offre. Des pieds et des mains. Je note. Mmh. Une expression. Comme les doigts. Une expression bien choisie, bizarrement. Bah, je vais le laisser si. J'ai pas d'autres questions en réalité. Bah, je remercie. Et puis, si j'ai d'autres questions, est-ce que je peux toujours le contacter ou... Évidemment. Ok, bon. Bah, merci, monsieur. Bonne. Je me prenais pas trop froid, j'ai envie de dire. Et puis. Ok. Ah, des gens. Des gens, quand même, incroyablement gentils. Ah, j'aime bien. Alors, des pieds et des mains chez Richard Lirano. Est-ce que je peux le trouver dans l'annuaire pour l'appeler ? Comme ça, on fait une pierre deux coups. Hein. tu peux. Il habite le village de Green. Et. Malheureusement, personne ne répond chez lui. Ah, c'est incroyable. Je me demande bien pourquoi. Bon, j'ai plus de pièces. Je vais retourner. Je sais où retrouver mes amis, mes camarades. Tout à fait. Et puis, je vais leur dire. Un lieu de rendez-vous. Après, c'est quelques heures pour chacun, parce que ça demandait du temps. Vous vous retrouvez. L'après-midi est bien entamé, maintenant. Et malheureusement, autre chose à entamer, c'est la température qui continue de baisser. Puisqu'en quelques heures, elle a rediminué de 5 degrés, il fait maintenant 20 degrés. Enfin, moins 20 degrés. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Vous vous retrouvez tous et je vous laisse, du coup, si vous voulez faire... partager. Alors, sachant que pour ceux qui ont, je mets juste cette indication, pour ceux qui ont comparé les écritures, eh bien, vous n'avez eu, pour l'instant, aucune ressemblance avec la lettre. Voilà. Ah, je suis content de vous revoir. J'ai eu des nouveaux de la part du fils de la victime. Il m'a décrit, mais il n'a jamais réellement vu cette statue, mais il m'a décrit comme étant une bête bizarre et avec quelque chose d'hypnotique. Et apparemment, des personnes l'auraient convoité. Donc, il y a un certain Richard Liriano, un collectionneur, hein, j'imagine, qui habite d'ailleurs dans la ville. Et ça, je pense que ce n'est pas une simple coïncidence, parce qu'il a fait des pieds et des mains, c'est bien son expression, pour se saisir de cette statue. Et je pense réellement que c'est peut-être lui qui a écrit cette lettre de menace. Auquel cas, il ne répond pas au téléphone. Donc je pense qu'il est peut-être coupable de quelque chose et qu'il cherche à rester tranquille. Okay. À part si j'ai composé le faux numéro et j'ai plus de pièces. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dis-moi, Mason, si tu m'entends. On est passé chez ce monsieur pour avoir ses écritures. Bien, laisse-moi regarder mes notes. Eh bien, remarquez qu'étrangement, malgré le fait d'avoir fait gaffe de suivre le plan, vous n'êtes pas passé par sa maison. Eh bien non. Ça vaudrait l'occasion d'aller tous le voir. Je pense aussi. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que leur connexion est un peu plus importante que prévu et ça pourrait être une personne à qui il manquerait quelque chose. Comme des doigts. Peut-être. Allons voir. Vous vous dirigez vers sa maison après vous être renseigné auprès d'habitants du village d'où elle se situe. Vous remarquez d'ailleurs qu'étrangement, sa maison ne fait pas partie des plans officiels de la ville et qu'elle est construite un peu à l'extérieur, ce qui fait que vous l'avez malheureusement raté lors de votre premier tour dans le village. Vous y rendez tous les quatre. Après quelques minutes de route, vous y arrivez. Sa maison est plutôt grande, un peu plus grande que celle des autres habitants, et a un côté un peu architecture gothique. Vous voyez que il n'y a pas âme qui vive et qui a ce côté... Il n'y a pas de jardin à l'américaine, disons. C'est vraiment... la maison est posée et tout aux alentours semble lui appartenir et il n'y a pas de limitation avec une quelconque clôture. Vous sortez de la voiture. Hein. Le froid vous glace immédiatement l'intégralité de vos membres. Il fait combien là maintenant? Et le temps de se déplacer, un degré a été perdu. Il fait moins 21. On commence vraiment à être sur du record. Oh. C'est même pas dit que la voiture... Oh, je sais pas, mais... Putain, dépêchons-nous, il faut... J'espère qu'il a... Il a mis la cheminée, lui. Si ça continue comme ça, on va être obligé de rentrer à l'agence et de rester enfermé avec les radiateurs à fond. Oh, punaise. Si ça continue... Vous approchez. Oh putain. Et je vous laisse, comme pour la première fois, me dire qui va, qui toque, qui fait peut-être le tour, comme d'habitude, quoi. Ah non, mais moi je suis là, hein. Monsieur. Ouvrez-nous. Il fait froid, monsieur. Richard Mignolino. Vous entendez du bruit derrière la porte. Ah. S'il vous plaît, ouvrez-nous, il fait très froid là. Monsieur. Nous ne sommes pas des mendiants, hein. Nous sommes là aussi pour vous poser des questions. Au sujet d'une statuette. Petite voix vous répond, une voix très étouffée. C'est ouvert. Ah. Ok. Ah, je pousse la porte. Je rentre. Oh punaise. Bonjour monsieur. Oh, on est désolé, mais il fait vraiment froid là. Vous ouvrez la porte. Et. Vous remarquez que. Derrière cette. Façade de maison, ma foi très propre, blanche, un peu gothique. Vous avez un intérieur qui dénote complètement. Qui. Ne semble pas du tout être une maison bien entretenue, même pire que ça, puisque. Tout l'intérieur est d'un noir calciné. Comme si toute la maison avait été brûlée, les flammes éteintes et qu'elle était restée en place. Et ça sent ? Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça sent cramé, il n'y a pas d'odeur. Voilà. Et... Une fois rentré à l'intérieur, si vous fermez la porte, vous remarquerez que il fait tout aussi froid qu'à l'extérieur. Oh putain, c'est... Vous avez pas froid, vous ? Chauffage ici, attends. Je regarde un peu dans les environs. Est-ce qu'on est... Déjà, il y a de la lumière. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment comme si... comme dit, vous imaginez l'intérieur de... d'une maison qui a cramé. Yes. Sauf que rien ne s'effondrait. Monsieur, mais comment vous faites pour vivre dans cette température-là? Punaise. On a des armes? Bien, excellente question. Vous êtes aux États-Unis, donc c'est pas impossible, donc lancez-moi un des 100 et je verrai sur le résultat si vous êtes du genre à porter une arme ou pas. 48. 45. Comme le Colt. L'ex-flic a fait 95. Il en a pas besoin. C'est ça. Il a que besoin de clope. Tout seul. 80. Ok, donc deux personnes ici ont des armes. Étrangement, c'est pas forcément ce qu'on pourrait penser, mais... L'écrivain. Oui, c'est Mason et Lynn qui ont des armes. Alors, pas des armes de guerre, hein, des petites armes de poing, genre des trucs... sur le banjo, moi. J'ai toujours mon pompe avec moi. J'ai quand même mon mais... Moi, je suis à peine tiré. C'est ça, après, vous êtes pas des... Vous avez pas forcément d'entraînement, ce genre de trucs que vous avez acheté pour de l'autodéfense ou des trucs comme ça, quoi. Mais, un 9 mm. Pour l'ancien flic, il n'a pas d'arme. Il semblerait qu'il l'a rendu et qu'il n'en a pas acheté d'autre depuis qu'il a rendu son assigne. Ouais. Ça s'est mal passé la dernière fois. Bah, c'est pour ça que je lui file la. Enfin, en tout cas, moi, j'ai. Même si j'ai mon arme, là, je suis plus vraiment en mode je me caille les miches, tu vois. Et l'autre, il a mis carrément les gants. Oh punaise. Très bien. Ça fait trop froid. Vous avancez et vous tombez rapidement sur une salle qui se trouve en fait à votre entrée directement sur votre gauche. Parce que quand vous rentrez, vous avez un couloir qui donne après sur une salle principale qui semble faire un peu salon, salle d'accueil, etc. Monsieur, vous entrez donc dans cette première pièce, puisque se situe l'homme. Un homme plutôt vieux, la peau très ridée, très tombante, les cheveux grisonnantes. Et il est tout simplement debout au milieu de la salle, fixant un mur calciné lui aussi. Vous le voyez en t-shirt et en sous-vêtements. Mais monsieur, mais vous allez être malade. Il faut vous couvrir, monsieur. Vous y pensez pas avec le temps qu'il fait. Comment vous faites pour rester à moitié à poil comme ça dehors? Oh, monsieur? Vous voyez qui tourne légèrement la tête vers vous, mais très légèrement, de quelques degrés. Et vous demande... Vous les entendez pas? De quoi? De quoi? Les rongeurs. Ils rongent ma maison. Je tends l'oreille. Tu tends l'oreille, tout ce que tu entends, c'est un silence glacial. Bah non, désolé, monsieur, j'entends rien. Vous entendez? Il ronge. Vous allez bien, monsieur? Il faut vous couvrir, monsieur. Vous avez pas froid? Non, non. Il fait bien trop chaud ici. Trop chaud? Il fait au moins 20 degrés. Moins 20 degrés, là. Pendant qu'ils discutent, je regarde juste aux alentours voir si je vois pas la statuette posée sur une table calcinée ou quelque chose. Ok. Tu remarques, Et non, il n'y a rien. Mais ce qui te fait remarquer, en fait, qu'il n'y a vraiment rien dans cette maison. Il y a des meubles, mais tout est vide. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre objet entreposé. Il n'y a pas un seul livre, il n'y a pas un seul vase, un seul décor ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elle est meublée, mais il n'y a aucun ustensile. Il n'y a, a absolument rien dans cette maison. Et du coup, encore moins de statuettes. Qu'est-ce qui est arrivé à votre maison ? Pourquoi elle est comme ça ? Elle est rongeur. Je n'arrive pas à éteindre ce satané feu. Le feu ? Il n'y a plus de feu depuis un moment, monsieur. Il a tout bouffé. Mais il n'y a pas de feu, monsieur. Il fait si chaud. Est-ce que physiquement il paraît normal ou enfin genre il aurait des traces quelconques sur le corps Il a pas de traces particulières sur le corps. Il a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement fatigué, comme j'ai dit, la peau très tombante. Extrêmement ridé aussi. Du coup, je dirais, monsieur, est-ce que le nom de Michel Walton vous dit quelque chose ? Michel. Elle est avec les rongeurs maintenant. Michel est morte, oui. Vous la connaissez ? Elle veut pas éteindre le feu. Il fait si chaud. Pourquoi vous passez la voir récemment ? Je me permets de prendre le flambeau. On aurait dû appeler la police ou un hôpital psychiatrique. Vous allez la voir tous les jours ? Elle est là avec les rongeurs. Non, j'ai legit pas compris la phrase d'avant, en fait. Il a dit quoi ? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Ok, d'accord. Qu'il la voyait tous les jours. Et ils sont où, ces rongeurs ? Je les vois pas. Partout. Dans les murs. Dans la cave. C'est là qu'ils se reproduisent. Moi, je chuchote aux autres, hein, quand même. Est-ce qu'on devrait peut-être appeler l'hôpital, la police ? Ce type a l'air complètement déchiré sous drogue. Monsieur, est-ce que vous avez récupéré une petite statuette récemment ? Oh, j'en ai plein, plein. Eux, elles ne brûlent pas. Elles sont cachées. Dans la cave, j'imagine. Dans la cave. Vous plaisantez, moi je descends pas là, il a l'air trop chelou. Trop louche cette personne. Dites-moi, quel est le meilleur moyen de combattre les rongeurs selon vous ? Mis à part le feu. Non, pas le feu. Ils se reproduisent avec le feu. Alors il faut quoi ? Je sais pas. Vous savez m'en débarrasser ? Ils sont là. Et vous en pensez quoi des chats ? Des chats ? Ce sont des rongeurs ? Des chats sont des rongeurs ? Est-ce qu'ils vous rongent ? Ouais, ils en rongent certains. Pas faire confiance à personne. Ça vous dérange si on va dans votre cave ? Ou si on ouvre la porte, en tout cas ? Allez-y, mais... Attention aux rongeurs, ils s'y reproduisent. Ouais. J'ai déjà fait pire que des rats. Je sors mon arme. en tremblant. Je rejoindrais bien l'avis de James. Il faut qu'on appelle quelqu'un de plus compétent plus vite. C'est pas à nous de nous occuper de ce type. Il est complètement ravagé. Ouais, je pense aussi. Ouais. Pour sa propre sécurité. C'est le cas. C'est cela. Non. Bon, Charles, tu veux descendre ? Ouais. Ok. On peut aller en bas en attendant que la police arrive. James, tu veux rester avec lui ? Non. Non, non, non. Je viens avec vous êtes armé, et moi, non, non, il fait froid. Je reste pas avec ça. Tu discutes avec lui. En étant dans le couloir, vous remarquez peut-être le seul objet de la maison, un thermomètre, qui indique à l'heure actuelle moins 26 degrés. Oh putain, c'est pas possible. Je tape dessus. Je tape dessus là, tu sais, pour comme les compteurs de voiture pour voir si ça remonte pas. Ça ne monte pas, mais tu te fais extrêmement mal aux doigts. Hein. Faut dire que là, bouger vos membres, surtout les plus fins, c'est une douleur plutôt intense. Hein. Et moi, là, je vous dis un. Voilà, je me serre à Lynn et à Charles, et vraiment là je suis coulé. Hein. Oh putain, je vous dis, je resterai pas très longtemps, hein. Moi je vais aller vite à la voiture après. Vous ouvrez la porte, ça, c'est pas normal. Qui mène Ah, il est. Oula. Oh. Oula, la musique. Quoi, il y a de la musique dans la cave? Il me semble pas qu'il y avait de la musique dans la cave. Quoi que quand on ouvre la porte, c'est... Exactement. Tu sais, c'est les vieilles portes de cave où tu es obligé de relever comme ça. Là. Ça, c'est les pires. Vraiment. Ah, pour le coup, c'est vraiment moderne américain. C'est vraiment une porte qui s'ouvre normalement et qu'il faut descendre. De toute façon, tous les Américains ont une cave. Exactement. Vous commencez à descendre les marches. La lumière ne fonctionne évidemment pas, puisqu'il y a toujours cette ambiance un peu calcinée, mais remarquez à mi-chemin que les murs... Ah, moi j'ai une lampe torche. Oui, vous avez vos lampes torches. Hein. Quand je parle de lumière, c'était celle de... Mais il y a deux lampes torches dans votre groupe, donc vous avez de quoi vous éclairer. Bref, vous remarquez du coup à mi-chemin que les murs passent graduellement de murs calcinés à des murs complètement glacés. Quand vous mettez le pas sur le plancher, ce n'est pas avec du bois que vous avez un contact, mais avec une fine couche de glace. Et puis combien de degrés dans cette cave ? C'est encore plus froid que dehors ? En termes de ressenti, vous ne sentez pas particulièrement le froid. C'est-à-dire, vous le sentez même un peu moins que quand vous étiez au-dessus. Effectivement, c'est juste que c'est gelé par terre. Ok. Bon, après... Qu'est-ce que... Vous voyez quelque chose ? Charles ? Rien de plus que toi. Vous. Bah, je sais pas, il a dit qu'il y avait des objets cachés. Et si vous dépassez le palier des escaliers et que vous avancez un tout petit peu dans cette cave, vous remarquez une petite lueur rouge qui semble venir un peu des profondeurs de ces parois glacées. Comme si une grotte s'était formé là, avec la glace dans la cave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous avancez ? Bah oui. Yeah. Vas-y en premier, Charles. C'est toi le patron. Évidemment. Charles, tu avances. Tu es suivi de près par tes collègues. Mason, d'un seul coup, tu sens sous ta semelle une sensation étrange. Ton dernier pas n'a pas été en contact avec de la glace comme tous tes autres pas. Non, c'était quelque chose de plus moelleux, osseux aussi, organique. Tu te pétrifies sur l'instant et avec la lampe torche, tu éclaires ce sur quoi tu as marché. Et tu vois sous tes chaussures, enfin sous ton pied en tout cas, le cadavre d'un chat dont tu viens d'écraser une bonne partie du corps faisant sortir des organes. Tu as quelques boyaux de chat juste à côté de ton pied. Fais-moi un test de nerf, s'il te plaît. Quelle horreur. Ah, il a les nerfs à vif. Il veut pas faire de test de nerf. Il a pas envie. C'est toi, Mason. Mason Douglas. Non, mais là, il est dans la pétrification. Ça fait 26. Alors... C'est quand même pas mal. Tu arrives à retenir en toi toute sensation de rejet et te concentrer sur le groupe qui avance sans toi. Est-ce que tu les préviens ou est-ce que tu suis juste la marche? Je pense que je déglutis un coup. J'essaie d'essuyer mon pied un peu par terre et je pense que je vais pas les avertir plus que ça, mais si quelqu'un se retourne ou autre, je vais faire une réflexion en rapport. Ouais. Juste que je commence à être vraiment pas bien, donc entre les moins 26 degrés, toute cette journée qui était compliquée, le lever à 4h du matin, et là maintenant, les cadavres de chats dans la maison du vieux fou qui a froid dans une maison, enfin qui a chaud dans une maison calcinée, bon. Effectivement. C'est un bon résumé de la situation. Vous avancez. Vous remarquez que, étrangement, la glace ne reflète pas tant que ça vos éclairages et ont plutôt tendance à l'absorber. Plus vous avancez, moins les lampes torches semblent être efficaces et vous voyez de moins en moins devant vous. Mais la lueur rouge, elle, se fait de plus en plus visible. Vous maintenez la direction. Après tout, en cas de fuite, le chemin sera pas difficile, hein, c'est juste un tout droit en se retournant. Et vous arrivez à une ouverture. Ce qu'on va être le couloir de glace s'ouvre sur une salle. La salle est inondée de rouge. Vous ne saurez même pas dire d'où ça vient, parce qu'il n'y a pas d'éclairage particulièrement, juste la salle est rouge. Mais au moins, vous y voyez sans aide de lampe torche. Au sein de cette salle se trouve un autel, du moins un petit présentoir, mais dessus se trouvent plusieurs statuettes, toutes recouvertes d'un beau tissu de différentes couleurs, un noir, un rouge, un bleu, un marron. Bordel de merde. James, c'est pas ta statuette là-bas, là ? Après la photo, si, je la tiens, c'est comme ça, je tremble. C'est celle-là, la noire. Alors, du coup, il y a combien de drapés en tout ? Il y en a 9 actuellement sur l'hôtel. Je pensais que ça correspondait au nombre de cadavres, mais même pas. Il y a autre chose dans cette pièce ? Pas qui est visible. Je serais bien tenté de d'enlever un des draps de d'une des statuettes, mais j'ai peur de faire une connerie. Pourquoi elles sont toutes cachées d'ailleurs? Quel est l'intérêt de ne pas les montrer? D'après ce qu'on a entendu parler, ce serait un peu attirant, hypnotisant. Peut-être il y aurait peut-être quelque chose avec ces statues qui a un rapport avec l'état du vieux qu'on a vu là. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vrai ça. Mais c'est vraiment possible ça. Ah, j'en sais rien, t'as qu'à essayer, mais enfin. Vas-y, je te couvre. Bien. Ouais, j'y vais, s'il faut. Oh putain. Vous. Par contre, James, tu fais à peine un pas que tu remarques une différence de température extrême. Tu n'as plus froid, tu as extrêmement chaud. Et hop, choc thermique. Oh, tu exploses. Mais pas physiquement en tout cas. Tu ressens pas de choc thermique, juste t'es passé du froid au chaud. Comme si. Juste comme si tu supportais depuis le début de la journée une chaleur énorme autour des 30-40 degrés. Donc c'est très lourd. Et tu as extrêmement chaud. Et nous, on a froid pour l'instant. Oui. Là, je commence à transpirer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il fait chaud. Mais n'importe quoi, il fait pas chaud, il fait froid. Oh putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es comme le vieux. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je sais pas, t'es en train de me dire qu'il fait trop chaud, mais alors que nous, on est en train de peler. Regarde Charles. Oh, Ouais, bah du coup, moi qui dis que je le couvrais, je vais me rapprocher un peu, voir... Quelle est la situation? Tu t'approches. Et à peine arrivé à son niveau, tu as exactement la même sensation. Tout le froid disparaît d'un coup de ton corps, et c'est une chaleur énorme qui t'étouffe. Qu'est-ce qui t'arrive, Charles? Ne dis pas que c'est pareil. Raconte pas des conneries, putain. De quoi? Il fait chaud, maintenant, hein, chez vous? Oui. Ouais. Je m'avance. Tu avances. Exactement comme tes deux comparses. Tu as extrêmement chaud et la même chose pour mes hommes. Une fois. Et c'est quoi cette baraque? C'est quoi ce truc de merde? Oh la vache! Et du coup, je fais le test de revenir en arrière. Tu reviens en arrière. J'ai envie de te rattraper en te disant que si tu fais ça, tu risques d'avoir un choc. Je peux pas ne pas essayer. Avant d'avoir la moindre réaction, ce que tu vas d'abord ressentir, ce n'est pas un changement de température, surtout ton sang qui va se glacer. Je vais demander de faire un test de nerf, s'il te plaît. Huit. Waouh. Ok. Ton sang se glace, mais tu gardes un calme extrême. Alors, ok. Le couloir par lequel vous êtes arrivé n'existe plus, littéralement, puisque la salle s'est refermée, mais tu as toujours chaud. Bon, moi, je fonce sur la statuette et j'enlève le truc. J'en peux plus. James, tu te retournes. Tu fonces sur les statuettes. Et tu la retires. Je vais te demander, s'il te plaît, aussi un test de nerf. 77. Je suis très bon, d'ailleurs. Oh, c'est vrai que t'es très bon. C'est vrai que c'était très compliqué aussi. je sais pas. C'est pas facile à traiter, ce jeu. Tu retires le tissu d'une des statuettes. Est-ce que tu vises particulièrement la statuette avec le drap noir, ou est-ce que tu t'en fiches pour la première? Ok, ouais. Tu y vois... une créature, tu la dirais à peu près humanoïde. Elle a deux énormes bras avec des mains à quatre doigts, très crochus, très longs, et surtout qui semble être couverte totalement de poils et de tentacules. Bah, je l'essaye de la toucher, si c'est bien la source de chaleur. Tu la touches et je te demande de me faire un test. Encore une fois, de nerf, désolé. C'est un peu mieux, 31. C'est mieux. Tu la prends dans tes mains. Quand tu la prends, tu es pris de tremblements terribles. Et hey, James, quand tu... Là, pas à ce point-là, hein, de tremblement quand même contrôlé. Ce n'est pas non plus une crise. Bougeotte. Mais ouais, voilà, t'as quand même une énorme bougeotte, d'énormes sueurs froides. Et pour les trois autres qui ne sont pas en contact avec la statuette, c'est-à-dire que toi, James, tu ne vas pas entendre ça. Et pour les trois autres, autrement dit, au moment même où il retire en fait la statuette, enfin qui la touche, un énorme bruit sourd retentit dans la salle. Extrêmement fort. Il vous prend absolument toute votre audition. J'essaye de faire ouais, voilà. J'essaye de faire un petit effort, même avec tout ce qui me prend la tête, d'essayer de regarder, voir s'il y a une origine à ce son ou s'il est vraiment dans toute la pièce de manière égale. Tu cherches un peu. Ce que tu ressens, c'est que cette salle qui forme un cercle parfait, où le son semble résonner parfaitement de tous les lieux. Ça semble impossible de savoir d'où il vient, tant que t'as l'impression qu'il vient de tous les côtés en même temps. C'est quoi ça ? James, c'est ce que tu fais. Toi, tu n'entends pas le bruit sourd. Bah, je suis en train de faire des tremblements. Oui, oui. Tu peux toujours agir. Je sais pas quoi faire, là, j'en pose la statue. Très bien, tu la reposes. Quand il la repose, rien ne change. Par contre, dès que tu la poses, toi, James, tu commences à entendre ce bruit sourd que les autres semblent entendre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Charles, t'as vu quelque chose ? Mason ? Je vois rien. Quand vous parlez entre vous, vous entendez, mais votre voix est comme capturée, comme si vous vous parlez derrière 4 ou 5 murs différents. Étouffé, c'est... quoi. Très étouffé, oui. C'est partout. Ça prend l'espace sonore, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, bordel ? C'est quoi cet endroit ? Je vais... Moi, pour ma part, je vais me tourner vers l'endroit où normalement il y avait le couloir. Donc, si j'ai bien compris, il a disparu. Mm-hmm. Et je vais essayer d'aller avancer vers ça et voir si... S'il n'y a pas un truc dérobé ou quoi que ce soit, parce que... Et bordel, je veux sortir d'ici. Tu te brûles, mais étrangement, tu n'arrives pas à avoir la réaction naturelle hein, qu'ont la plupart des gens qui se brûlent, de celle de retirer sa main. Ou plutôt, tu vas y rester en contact, comme si ta main était en train de... avait fondu et collé avec la paroi. La chaleur, t'es insupportable. Tu vas pousser des hurlements de douleur. Charles, qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi ! J'arrive vers lui et je sais tirer le bras. La même. Tu as ta main vraiment accrochée. Vous lui tirez de toutes vos forces. Je vous demande tous les deux de faire un test d'action, s'il vous plaît. Moi aussi, moi. Les deux qui me... Non, les deux qui te poussent. Les deux qui... Ah. Moi j'étais occupé encore à me demander d'où venait ce bruit. 51. Bon, je suis un peu frêle. Hein. Je... Oh mais. Charlie. Et... 8. Je sais pas si tu m'as entendu. Oh non, je t'avais pas entendu, désolé. Très bon résultat. Vous arrivez. Et vous le tirez toutes vos forces. Vous arrivez tout simplement à le décrocher. Mais quand vous le décrochez, un énorme bruit strident retentit dans la salle. Hein. Et ce que vous avez dans vos mains, ce n'est plus qu'une carcasse vide. Hein. Les yeux entièrement noirs, hein, comme s'ils venaient de brûler entièrement de l'intérieur. Quoi ? Moi, je crie. Tu... Je regarde, mais je sais pas, mais la statue, je sais, je vais reprendre la statue noire. C'est pas, j'ai envie de mourir peut-être, mais je me dis c'est aussi peut-être ma seule protection. Tu prends la statue noire, tu me fais un test de nerf, s'il te plaît. Oula. 90. Très bien. Tu prends bien. La statuette. Et tout à coup, tu n'as aucun tremblement, aucun problème de température. Tu as un éclair de lucidité quand tu te tournes vers tes amis et que tu comprends enfin. Cette immense masse noire, cette forme qui, tu le sais, te suivait depuis l'instant même où vous êtes rentré dans cette maison. Depuis peut-être l'instant même où vous êtes rentré dans ce village. Cette forme vient de tous vous condamner. Et on va s'arrêter là pour ce soir.